Dans le cycle consacré à Georges Feydeau, la radiodiffusion française présente Sophie Desmarais, Marguerite Pierry, Maurice Escante, sociétaire de la Comédie Française, Daniel Lecourtois, Jean Val, Robert Vattier, Henri Crémieux, Jacques Toja de la Comédie Française, Evelyne Gabrielli et Béatrice Bretti, sociétaire de la Comédie Française, dans Le Bourgeon, comédie en trois actes. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Au château de Plounidec, en Bretagne, une vaste baie donne de plein pied sur une terrasse avec vue sur la mer. Une grande porte vitrée à quatre vantaux donne sur le hall, vitré lui aussi, et qui permet de voir le parc dont il est séparé par la balustrade du perron par lequel on accède dans le parc. Dans le salon, il y a une grande table ronde sur laquelle sont des journaux, des jeux, des ouvrages d'âme. Dans le hall, on voit passer un valet en livrée qui vient vite dire deux mots au maître d'hôtel et repart aussitôt. Au même instant, toujours dans le hall, une dame accourt avec un flacon de sel et une burette de vinaigre. Une autre dame ouvre brusquement une des portes du salon et s'adresse à elle. De l'éther, vite, apporte de l'éther. Bon, l'applaudis. Madame. Vite, dans la pharmacie, madame, de l'éther. Oui, madame. Allons, donnez-moi ça, fourrez. Oui, madame. Luc. Ah, c'est le vinaigre, les entrez vite, on l'attend. Un deuxième valet remonte du perron, tenant deux bouteilles enveloppées qu'il remet à Luc. C'est monsieur le marquis qui a sonné. Oui. Avez-vous fait le nécessaire pour qu'on aille chercher le docteur au train de 10h40? Oui, monsieur, j'ai fait prévenir le cocher. Bon. Que c'est que ça? C'est l'alcool à friction pour monsieur Maurice. Ah, bon. Ah, allez les porter. Oui, monsieur le marquis. Oh là là là là là là. Il tire de sa poche un exemplaire du rire et se met à regarder les images. C'est l'alcool à friction, madame la comtesse. Ah, posez ça là. Oui, madame. Dites donc, Luc. Monsieur le marquis. Dites donc, c'est toujours comme ça, ici. Dame, depuis quelque temps, monsieur Maurice a, à propos de rien, des vapeurs. Il s'en va, et puis il revient. C'est l'âge qui veut ça. C'est pas amusant, vous avez. Eh non, monsieur le marquis, non. Mais on ne le fait pas pour s'amuser. Évidemment. Eh oui, monsieur le marquis. Mmh. Ah. Quoi? Ah non, rien, je vois que monsieur le marquis a de quoi lire. C'est parce que les journaux sont arrivés. Si monsieur le marquis désirait, il y a la croix du Finistère, le réveil catholique... La renaissance de la foi. Non, oh non, merci, non. Non, j'ai le rire. Enfin, ils sont là. Si monsieur le marquis vous laisse distraire... C'est ça, Luc, c'est ça. Merci. Oui, merci. Monsieur le marquis, oui. Eh bien, mon enfant chéri, c'est moi, ta maman. Qu'est-ce qu'il y a eu donc? Rien, ne parle pas, ne fatigue pas. Ah bon, je vois qu'il y a du mieux. En passant devant une tricoteuse, il se débarrasse de l'exemplaire du rire en le déposant sur le tas des autres journaux. Il va être bien raisonnable et reposer un peu. Passe, ouais. Je ferme la porte pour que tu n'entendes pas de bruit. Ah. Eh ben, ça va mieux? Eh oui, pour le moment. Mais c'est égal. Ah, tout cela m'inquiète bien. Heureusement encore que cette indisposition l'a pris à cette heure-ci. Il a pu au moins assister à l'office. Ah oui, alors ça c'est de la veine. Enfin, qu'est-ce qu'il peut avoir? C'est un solide gaillard, cependant. Pourquoi depuis quelque temps ses faiblesses à propos de rien, ses syncopes? Et puis, cette nervosité, cette tristesse que rien ne justifie. Mais tu veux pas le croire, je te dis que cet enfant est trop confiant en dévotion. Oh! Mais oui, tout ça, l'exalte lui tape sur le système nerveux. Mais non, tu entends ton frère. Il voudrait faire croire que c'est le zèle religieux de Maurice qui est cause. Quelle hérésie! Je dis qu'un âge ou un jeune homme a besoin de développer son corps par l'hygiène, par l'exercice, par la gymnastique, par... Tout ce que vous voudrez. Oh, c'est vraiment pas le moment pour lui de s'étioler dans les méditations, les claustrations, les mortifications et autres choses déprimantes, tensions. Oh là là, lorsque j'avais son âge, moi je pensais pas à toutes ces choses-là. Quand je voyais une jolie fille... Non, froid. Oh. C'est possible, mais au moins je me portais bien. Oh tiens, laisse cette hérétique de côté, ma chère. Et pour ce qui est de ton fils, tranquillise-toi. J'ai brûlé ce matin, à son intention, un cierge sur l'autel de Saint-Antoine de Padoue. Ainsi... Oh. Quoi? Saint-Antoine de Padoue? Mais c'est pas sa partie, ça. Il est pour les objets perdus. Eh bien, Maurice n'a rien perdu, que je sache. Si même on devait lui reprocher quelque chose... Rien perdu. Et sa santé? Ah, pardon, c'est juste. Saint-Antoine la lui retrouvera. Absolument. Oui, eh bien, si vous voulez bien, en attendant, moi, je vais vous amener un ami. qui, sans contrarier en rien l'action de Saint-Antoine de Padoue, s'efforcera de concourir parallèlement au rétablissement de notre cher Maurice. C'est le docteur Vétillier, médecin principal dans l'armée, actuellement à Concarneau. J'ai reçu une dépêche il y a une heure m'annonçant son arrivée par le train de 10h40. Vraiment? Oh, mais as-tu dit qu'on envoie une voiture le prendre à la gare? Bien, je ne suis permis. Il sera ici dans une demi-heure. Oh, c'est gentil, on froid, ce que tu as fait là. Évidemment, comme frère, vous valez mieux que comme chrétien. N'est-ce pas? Pour un démon, je ne suis pas un trop mauvais diable. Il dort. Ah, et ben c'est bon, ça. Madame la comtesse? Ah, te voilà, toi. D'où arrives-tu? Je ne trouve pas les terres. Allons donc. Ben, il est bien temps. J'ai bien trouvé cette bouteille. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça ne peut pas remplacer? Du sirop antiscorbutique. Oh. Non, mais là, ça, tu es folle. Non, ça ne peut pas remplacer. C'est tout de même du médicament. Tu es bien restée paysanne. Allons, va-t'en. Oui, madame la comtesse. Ah, et puis, je voulais t'avertir. Demain, tu entreras à mon orphelinat de Kenogan. Moi? Ah oui, toi. Tu seras attachée à la lingerie. Oh, madame me renvoie? Je te renvoie pas, je te change d'emploi, voilà tout. Oh, mais pourquoi? Oh, mais parce que j'en ai décidé ainsi, je n'ai pas d'explication à te donner. Oh, je vois bien que madame la comtesse ne m'a pas encore pardonné le bal forain du 15 août. Oh, mais ne s'agit pas de ça. Oh si, tout ça parce qu'on a dit à madame que j'avais dansé avec un cuirassier, qui était dans les dragons. Vous avez dansé avec un dragon? Qui était dans les cuirassiers, oui, madame. Pour ça. Oh, un dragon. Et à cheval. Oh. Tant qu'il ne l'a pas dragonné. Oh, je t'en prie, toi, ne te mêle pas. Bon. Je répète, mon enfant, qu'il n'y a pas l'ombre de disgrâce dans la mesure que je prends. Je ne dois pas oublier que j'ai charge d'armes. Tu es orpheline, c'est moi qui t'ai élevée. J'ai pour devoir de veiller sur toi. Or, ce penchant, quand tu sembles manifester pour le plaisir, m'est un avertissement. Tu arrives à un âge où la vie est pleine d'embûches pour une jeune fille, et si elle n'a pas en elle une rigidité de principes suffisantes pour y parer, elle y tombe fatalement un jour ou l'autre. Eh bien, je ne l'entends pas ainsi. Et pour commencer, il est urgent que je te retire de la promiscuité de l'office. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais pour un moment, tu lui parles chinois. Non, ben n'importe. Qu'il lui suffise de savoir qu'où je l'envoie, elle sera parfaitement heureuse, dans une atmosphère d'honnêteté, de sainteté, à l'abri du mal et de la tentation, au milieu de bonnes sœurs. Oui. Je t'en prie. Et il y restera jusqu'à son mariage, où de ce fait, ma responsabilité se trouvera dégagée. Vous voyez, mon enfant, que c'est au contraire de la reconnaissance que vous devez à madame la comtesse pour la sollicitude qu'elle a pour vous. Où tu parles? Mais remerciez donc votre maîtresse. Merci, madame. Ah, à la bonne heure. J'ajoute que s'il te plaît de te marier tout de suite, il y a Jannick, qui ne demande qu'à t'épouser. C'est un honnête homme, un bon cocher, un excellent chrétien, j'approuverai cette union. Mais il est vieux. Vieux? Mais à ça, ma pauvre enfant, que demandez-vous donc au mariage? Mais un jeune? Voilà ce penchant pour les futilités que je redoute. Bah tiens. Bon, c'est bien, ma fille, ne perdons pas de temps à discuter, tu peux te retirer, je n'ai plus besoin de toi. Non, vous l'avez entendu? Oh, c'est paysanne. Il lui faut un jeune. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Enfin, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est un beau brin de fille. Oh. Oui, eh bien, justement, c'est une des raisons pour lesquelles je l'éloigne. Je trouve qu'il n'est pas convenable que dans une maison où il y a un jeune homme de 20 ans, on ait des tendrons à son service. Donc, tu as peur que ton fils la détourne? Dieu, non. Mais si bien armé que soit un être contre le démon, qui peut répondre que dans une heure de défaillance, exposer une enfant à un contact journalier... C'est très juste. Sans compter que j'ai remarqué que la petite tournait beaucoup trop autour de Maurice. Elle mettait une complaisance à être toujours fourrée dans sa chambre. Oui. Et l'enfant, lui, ça l'énerve. Mais ce qui l'énerve, c'est le combat entre sa chair qu'il n'entend pas et ses convictions qui l'assourdissent. No. S'il voulait seulement écouter un peu sa chair et s'il faisait comme elle lui dit, je te promets que ça ne l'énerverait pas longtemps. Mais quelle horreur! Oh, tu as une de ces moralités! C'est dégoûtant. J'élève mon fils comme je l'entends. Libre à toi d'élever ta fille comme il te plaît. Du moment que tu es satisfaite de l'éducation que tu lui donnes. Tu la trouves mal élevée? Je ne la trouve pas élevée du tout. Tu en fais une espèce de sauvageon, de garçon manqué, toujours par mont et par veau, tantôt à cheval, tantôt à bicyclette. Des choses qui s'enfourchent. Eh ben? Ça donne des idées. Pas elle. Une enfant qui entend la messe tous les 36 du mois. Elle devait nous rejoindre à l'église ce matin. Tu crois qu'elle est venue? Ah, bien oui. Une enfant qui n'a reçu aucune direction religieuse. qui a fait tout juste sa première communion, pour ne pas se faire remarquer, mais... À part ça, mon pauvre Maurice a essayé plusieurs fois, lui, de la moraliser, de lui faire entrevoir les beautés de la doctrine chrétienne. Ah, ben, elle l'a bien reçue. C'est tout juste si elle a été polie. Si elle n'a pas été polie, elle a eu tort. Mais Maurice aurait peut-être mieux fait de garder pour lui cette tentative de prosélytisme. Je tiens pas à faire de ma fille une dévote. Elle aura de la religion ce qu'il en faut pour une femme du monde. En tout cas, ce sera une honnête femme, au tempérament solide, au caractère droit, avec tout ce qu'il faut pour rendre son mari heureux. C'est tout ce que je lui demande. Je sais pas qui elle épousera, mais ce sera certainement pas le Christ. Nous sommes pas ambitieux. Bravo, papa. Ah, tu es là, toi. D'où viens-tu, malheureuse enfant? Dans quel état? Ah, ça, ma tante, la déchirure, c'est les ronces. Le mouillé, c'est de l'eau. Oh! Eh ben, tu t'es bien arrangée. Une toilette neuve. Ah oui, c'est embêtant. C'est ennuyeux, tu veux dire. Ah non, c'est pas lassé. Ah oui, ça, elle a raison. Embêtant, c'est encore faible. Bien, bien. Mais avec tout ça, je croyais que tu devais venir nous rejoindre à la messe. Mais oui, ma tante, vous voyez, j'étais prête, j'avais même fait toilette. Seulement voilà, au moment de partir, dans la cour des écuries, j'ai vu le nouveau cheval arriver hier. Vous ne pensez pas vous en servir, ma tante? Il est vicieux. Les hommes n'en venaient pas à bout. Voilà-t-il pas que tout à coup la bête fait un tête-à-queue et vlant son cavalier par terre? Alors je ne sais pas ce qui m'a pris. Une sorte de vertige, d'envie irrésistible. Avant même qu'on ait eu le temps de faire ouf, une, deux! Mon paroissien était dans les mains du palefrenier et j'avais, moi, enfourché le cheval. Enfourché. Il était scellé pour homme. Enfourché et en grande toilette. Ça prouve qu'il n'y avait pas préméditation. Et alors, ça a été une galopade à travers champs. Tantôt, je conduisais le cheval, tantôt, il me conduisait. Et on dévorait l'espace. C'était amusant. Mais c'est égal, il ne m'a pas désarçonné. Alors je me suis dit, je vais un peu lui faire faire du kilomètre sur la plage. Et patapam, patapam, nous voilà sur le sable. On allait à train. Quand tout à coup, là, de l'autre côté de la pointe, où vous voyez la cabine du douanier, j'aperçois un rassemblement. Tu connais ma curiosité. Je ne suis pas femme pour rien. Oh non, ça, tu n'es pas femme pour rien, alors. Je cingle mon cheval et un temps de galop, et j'y suis. Qu'est-ce que je trouve? Un groupe de marins qui entourait un pauvre petit jeune homme qui avait été entraîné par notre maudit raz-de-marée et qu'on venait de repêcher sans connaissance. Oh, quelle horreur! C'est intéressant, n'est-ce pas? Était-il vivant? Était-il mort? On ne savait pas? Les pêcheurs discutaient gravement. On parlait déjà de le pendre par les pieds pour lui faire rendre son nom. Oh, les crétins ont sainte routine, alors ça, non. Je me dis, ma bonne Huguette, si tu n'interviens pas, on va faire des boulettes. Tiens, je fais des vers, je l'ai pas fait exprès. Alors, ma foi, je ne fais ni une ni deux. Je saute à bas de ma bête et je viens mêler ma voix au chapitre. Naturellement, aucun médecin. Par bonheur, j'avais déjà vu un cas pareil une année à Biarritz. Je me suis rappelé comment avaient fait les hommes de là et, ma foi, je me suis mise à faire mon petit docteur. Exercice illégal, oui, monsieur. Ouais, je vois ça. J'ai écarté le groupe et j'ai pris le commandement. J'ai commencé par faire enlever le costume de bain du petit bonhomme. Comment enlever? Mais alors, il était tout nu? Naturellement. Devant toi? Ça ne te faisait rien? Non. Mais c'est si ça lui avait fait quelque chose que c'était répréhensible. Ah non, je vous en prie, Eugénina, ça ne montait pas la tête à ma fille, n'est-ce pas? Moi? C'est moi qui... Une fois le petit en tenue, allez-y! Je me dis adieu, ma belle toilette. D'ailleurs, il n'y avait pas grand mal. Elle avait déjà eu affaire aux ronces. Je me plante par terre, les deux genoux dans la vase, à cheval sur le petit. À cheval? Encore? Mais en Amazon, au moins. En Amazon, Vous me voyez faisant de la respiration artificielle en Amazon? Mais non, ma tante. Là, corps à corps, face à lui, comme pour lutter. Et c'était une lutte, en effet, contre la mort, là, qui guettait. Aussi, à nous deux, je charge un marinier de la manœuvre des bras, tandis que moi, je m'occupais à rétablir les fonctions respiratoires par des pressions régulières au bas du sternum. Pendant ce temps-là, les autres me cherchaient des serviettes chaudes, des briques chaudes, des fers chauds, tout ce qu'on pouvait imaginer de chaud pour amener la circulation. Et nous avons respiré artificiellement comme ça pendant 1h15. J'en pouvais plus. Voilà que tout à coup, nous avons vu la poitrine se soulever faiblement. Quelle émotion! Nous n'en croyons pas nos yeux. Nous étions haletants. Puis soudain, un paquet d'eau de mer rejeté et un cri! Un cri rauque, terrible, déchirant. Un cri qu'on n'oublie pas. Oh, ce cri, il m'a résonné jusqu'au cœur. Quelle joie, c'était la résurrection. Je vainquais la mort. Je refaisais une vie. Papa, papa, il me semblait que je faisais un enfant. Oh, oh. Ma chère petite Huguette, je suis fier de toi. N'est-ce pas, papa, que j'ai été chic? Ah, par exemple, ma messe était dans l'eau, comme ma robe. Je me suis dit, le bon Dieu, il est éternel, il peut attendre, tandis que mon moribond, lui, ne peut pas. Et ma foi, si j'ai fait tort au bon Dieu de sa messe, je suis sûre qu'il ne m'en voudra pas. C'est commode. Évidemment, ce que tu as fait est louable, quoique bien inconvenant pour une jeune fille. Je veux bien que cela t'absolve, mais ça ne t'excuse pas d'avoir manqué à l'office. En tout cas, je n'ai pas de regrets. C'est un tort, car rien n'excuse de manquer à la messe. J'ai un mari, moi. C'est un homme. Allons donc. Eh bien, il se ferait plutôt hacher que de ne pas accomplir ses devoirs religieux. Tous les jours, il va jusqu'à Concarneau pour assister à l'office. 22 kilomètres à bicyclette, 10 pour aller, 12 pour revenir. Tiens, pourquoi deux de plus pour revenir? Parce que ça monte. Oh, j'y avais pas pensé. La porte de Maurice s'ouvre et l'on voit paraître le jeune homme, les yeux encore lourds de sommeil, les cheveux décoiffés par le contact de l'oreiller. Il est revêtu d'un pyjama de molleton violet foncé qui laisse apercevoir sa chemise de nuit. Sur le pas de la porte, il s'arrête et s'étire discrètement. Tu t'es levé. Évidemment, ça va mieux. Ce peu de repos m'a fait du bien. Tu veux pas t'asseoir? Si. Mon froid, le rôti. Bon, voilà. Non, je vous en prie. Laisse donc. Allez, tiens. Étends-toi. Je suis confuse. Là, tiens, sous ta tête. Souterrain. Mais maman, je vous assure, vous allez me faire prendre pour plus malade que je ne suis. Allons, veux-tu te laisser soigner? Et puis, il va être l'heure de mon bain de mer. Tu vas prendre un bain après avoir été souffrant? Mais je crois bien, maman, ça me fait tant de bien. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai de la faiblesse? Eh bien, rien ne me remonte comme cela. Regardez, hier, je n'ai pas pris de bain à cause du temps. Eh bien, aujourd'hui, le ressort m'a manqué. En tout cas, tout à l'heure doit venir un médecin que ton oncle a eu la gentillesse de demander. Eh bien, je te prie d'attendre qu'il t'ait vu avant de te baigner. Bien, maman. Monsieur le curé n'est pas venu? Il a fait dire qu'il passerait te voir dans la matinée où il ne tardera pas. Ah oui, sa visite me fera du bien. J'ai tant à lui dire. Mon Dieu, toi! Qu'est-ce que je dirais, moi? Toi, mon pauvre enfant! Oh, maman, on a beau faire, tu sais, on est des pêcheurs tout de même. Ah, hélas! Eh oui! Oh, Huguette, je ne te voyais pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh oui, gronde là, elle a encore fait de ses folies. Oh, vous n'avez pas besoin d'inciter Maurice à me gronder. Il est déjà assez porté à voir tous mes défauts. Tu m'en veux encore de ce que hier je me suis cru autorisé par l'affection que je te porte? Mais pas du tout, seulement je sens que je suis tellement indigne. Comme tu me parles durement. Jadis nous étions aussi bons camarades. C'est que jadis tu étais un garçon comme tout le monde, maintenant tu es un saint. Mais si, tout le monde est d'accord là-dessus. Eh bien moi je ne suis pas une sainte, alors n'est-ce pas? Je sens tellement la distance. Oh, Huguette, mon enfant. Voyons, Huguette. Qu'est-ce que vous voulez, ma tante? On est ce qu'on est, je ne peux pas me refaire. Allons, je vais me changer. Comme ça, on ne verra plus les traces de mes folies. À tout à l'heure! À tout à l'heure! Tenez, voici mon cousin Hector qui rentre! Je vous le passe! Elle est drôle, cette petite! Tu trouves? Oh, oui. Le cousin Hector est en veston d'alpaga noir, pantalon noir, petite cravate noire de la largeur d'une ficelle autour du cou et dont le nœud a tourné sur le côté. Mes enfants, vous, quelle chaleur dehors! Aussi, mon cher Hector, faire de la bicyclette par une température pareille. Ah oui, c'est vrai. Regarde un peu, tes en transpiration. Ah ben, c'est cette montée en plein soleil. Ah, je vous annonce la visite de monsieur le curé, je viens de le brûler sur la route, il se dirigeait de ce côté. Ah oui? Oui, au moment où je l'ai croisé, il m'a crié à tout à l'heure, je vous rejoins. Ah ben, allez, là voilà, il franchit la grille du pas. On vient de timbrer deux fois. Oui, en effet. Ah, ben bonjour, Maurice. Et quoi, pas encore habillé? J'étais un peu indisposé tout à l'heure. Allons, bon. Non, mais c'est fini à présent. Ah. Et il y avait beaucoup de monde à l'église? À Concarneau? Oh oui, plein, tu penses? Un sermon du père Eucharist. Ah vraiment, il est admirable. Ah oui? Oui, quel fougue, quelle force de persuasion, quelle éloquence. Oh, l'animal. Hector. Oh pardon, lapsus. Oui, non, quel orateur. À la bonne heure. Mais comme ta cravate est mise. Enfin, qu'est-ce que ça fait? Ça t'y pense bien que je vais me changer. Et puis si tu crois que je m'occupe de ces colifichets... Ah, tu n'es pas coquet, là, au moins. Ah, tu es contente, hein, quand tu peux me donner l'air d'un grand âge. Je croyais qu'on pourrait s'y tromper. Eh oui, eh ben, vous êtes témoin que c'est le fait de ma femme. Oh, monsieur le curé, que c'est gentil. Vous êtes vraiment trop bonne, madame la comtesse. Monsieur le marquis, je vous présente mes hommages. Bonjour, monsieur le curé. Mon cher père... Je vous attendais avec impatience. Voulez-vous bien ne pas bouger, mon cher enfant? Mais pourquoi donc? Je suis solide à présent. Non, je vous en prie, restez assis. Madame, mes respects. Monsieur Horteloup, je ne vous dis pas bonjour, c'est déjà fait sur la route. Oui, monsieur le curé. Alors, quoi donc, mon cher enfant? Vous avez encore eu un de ces vilains malaises? Mon cher père, la santé corporelle est peu de choses à côté de la santé spirituelle. Et c'est celle-ci qui me préoccupe. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre direction éclairée. Si j'avais été mieux, je me serais rendu à votre confessionnal. Je suis tout à votre dévotion, mon cher enfant. Mais nous allons te laisser, mon chéri, si tu désires t'entretenir avec monsieur le curé. Mais pourquoi ma mère ne pouvons aussi bien passer dans ma chambre, monsieur le curé et moi? Non, mais... D'ailleurs, j'ai des comptes à vérifier. Eugénie viendra m'aider. Quant au marquis, il ira au-devant du docteur. C'est bien le moins qu'on lui doit. Mais oui. Et puis, ça me dégourdira les jambes. Bon, eh ben, et moi, si ma mission est toute tracée, je suis en transpiration, je vais me changer. Comme vous voudrez. Monsieur Horteloup. Oui. Vous reveniez de Concarneau quand je vous ai croisé tout à l'heure? Mais oui, monsieur le curé. Le service divin de notre humble église de village, alors, ne vous suffit pas? Oh non, c'est pas ça, non, mais la bicyclette m'est recommandée, et puis la perspective d'entendre prêcher le révérend père Eucariste. Ah oui, eh bien, ça a dû être un désappointement pour les fidèles d'apprendre qu'ils en seraient privés. Hein? Mais pas du tout. Non, quoi, privé, le père Eucariste a prêché? Il a même été d'une éloquence, paraît-il. Ouais. Mais ce n'est pas possible, il a la rougeole depuis 2 jours. Mais voyons... Oh non, vous faites erreur, je vous assure. Voyez plutôt les journaux catholiques, les avez-vous là? Ah non. Tiens, comment... Mais si, ils sont là. Vous m'étonnez aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, ça, c'est le rire, hein, c'est pas moi. Ça. Oh, c'est toi qui introduis ces choses chez moi? Oui. C'est le numéro de cette semaine? Oh, vous permettez? Mais comment non, monsieur le curé? Mais quoi, monsieur le curé? Vous n'êtes pas scandalisé? Le rire, monsieur le curé? Le rire? Mais oui, madame, le rire. Le rire est une belle qualité française qui n'a jamais contaminé personne. Et ma foi, j'avoue que je le salue partout où je le rencontre. Vous me le prêtez, monsieur le marquis? Mais volontiers, monsieur le curé. Merci. Horteloup, qui n'a pas perdu de vue les journaux que la comtesse tient à la main, les lui tendant pour ainsi dire, ne manque pas une aussi bonne occasion de les subtiliser. Le plus naturellement du monde et sans que la comtesse s'en aperçoive, il les lui prend et les glisse aussitôt entre son veston et son gilet. Le geste n'a pas échappé au marquis. Et maintenant, les journaux. Ah! Eh bien, les journaux! Ah, c'est Horteloup qui les a. Victor! Les journaux! Ah oui, les journaux, oui. Tenez, les voilà, inadvertance. Évidemment. Pardon, monsieur. Merci. La croix du Finistère, voyons. Eh bien, tenez. Nous apprenons que le révérend père Eucariste, dont la parole vibrante a si souvent touché les cœurs de nos lecteurs, est atteint d'une rougeole bénigne, ce qui le met dans l'obligation de remettre à plus tard le sermon qu'il devait prononcer aujourd'hui devant les fidèles de Concarneau. Oh, vous voyez que je n'invente rien. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, enfin, ou c'est un canard, ou alors il aura été remplacé et j'aurais pris un autre pour lui. Peut-être, oui. Oui, enfin, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un dominicain qui a prêché. Maintenant, est-ce le père Eucariste, ça? En tout cas, il a joliment bien prêché, le bougre. Lapsus. Non. Oui, enfin, je vais me changer, moi. C'est ça, laissons Maurice avec monsieur le curé. Bon, on va tout à l'heure. Et sur quoi a-t-il prêché? Sur quoi? Oh, tu sais, un peu sur... Enfin, un peu sur tout, quoi. Un peu sur rien. Enfin, comment on prêche? Eh bien, nous voici seuls, mon cher enfant. Qu'avez-vous donc de si grave à confesser? Mon père, je m'accuse parce que j'ai péché. Monstrueusement péché. Mon enfant, mon fils, relevez-vous. Ici, nous ne sommes pas au confessionnal. Confiez-vous à moi comme à votre père spirituel. Je suis sûr que vous vous exagérez vos fautes. Oh non, mon père. Dieu m'est témoin pourtant que ma volonté n'y est pour rien. Comment dans mon cerveau, dont j'écarte avec tant de zèle tout idée coupable, a-t-il pu germer une horreur pareille? Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'ai vu la Madeleine au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était belle. Belle! Ses cheveux étaient défaits. Et son corps était nu jusqu'à la taille. Elle implorait notre Seigneur, et ses yeux brûlaient d'un amour profane. Oh, comment oserais-je vous dire... Allez, mon enfant, allez. Mais tout à coup, je m'aperçus que le Christ me ressemblait. Oui, mon père, le Christ, c'était moi. Quel sacrilège, n'est-ce pas? Quel péché d'orgueil! Et la Madeleine, c'était trait pour trait la Claudie, notre servante. Et elle me regardait avec ses yeux que je lui ai déjà vus en réalité. Oh, ses yeux qui me gênent. Oh, c'est affreux à dire. Moi, le Christ, au lieu de repousser ses avances, fallait essayer de l'amener ou bien de lui dire les mots qui purifient. Je n'avais pas le courage. Que dis-je? J'éprouvais comme une joie de sa présence. Son regard me troublait, sa caresse me retenait. C'était moi qui la rapprochais de moi. Et avant que j'aie pu me ressaisir, oh, mon père, je devenais humainement sa chose. Misérablement. Vous entendez, mon père, sa chose. Sa chose. Mon enfant. Oh, comment expirais-je un pareil sacrilège? Quand je me suis éveillé, j'ai prié jusqu'au matin, pleurant mon pardon, me déchirant la poitrine, me meurtrissant les chairs. Oh, je le sens bien, Dieu s'est retiré de moi. Mais non, mon enfant, non, Dieu ne s'est pas retiré de vous. Certes, votre rêve est criminel et le démon vous a visité cette nuit. Mais croyez-vous que tous, et parmi les plus saints, nous n'avons pas eu à subir des épreuves pareilles? Est-ce que saint Antoine n'eut pas à résister à toutes les tentations qui l'hallucinaient? Sa sainteté en a-t-elle été diminuée? Oh, mon père, si c'était vrai. Dieu ne retient que les péchés que l'homme commet à l'état conscient. Mais sa miséricorde est trop grande pour qu'il fasse un grief d'un péché qui se produit en dehors du libre arbitre. Aussi est-ce en son nom, mon fils, que je vous absous et que je vous dis, allez en paix. Vos péchés vous sont remis. Oh, mon père, que la bonté de Dieu est infinie. Mon cher enfant. Que j'admire l'ardeur de votre foi de néophyte. Mon père, je suis heureux. Ah, dans les bras l'un de l'autre. Ah, voilà qui est de bon augure. Je vous demande pardon de vous interrompre. Maurice, voici le docteur. Comment déjà? On n'a pas averti? Ah, je te demande pardon, on a timbré deux fois. Dans le feu de votre entretien, vous n'aurez pas entendu. Ma mère, mon meilleur médecin. Le voici. Ah, mon enfant. Alors, voici ces messieurs. Voilà, si vous voulez rentrer, mon cher docteur. Pardon. Ma chère sœur, je te présente mon ami, monsieur le médecin principal Vétillier. Madame, très honorée. Oh, combien c'est aimable à vous de vous être dérangé, docteur. Vraiment, par cette chaleur. Il fait chaud, en effet, il fait chaud. Oh, et surtout en uniforme. Ah ça, madame, c'est un principe chez moi. Je déplore la fâcheuse tendance que je vois chez les officiers de se mettre en Pékin dès qu'ils peuvent. On doit avoir l'orgueil de son uniforme. Mais ces sentiments vous font honneur. En tout cas, c'est ma façon de voir. Ça ne fait de mal à personne. Vous êtes ecclésiastique, monsieur, si je ne me trompe. Et catholique, oui, monsieur. Monsieur l'abbé Boursec, curé de notre village. Ah, parfaitement. Eh bien, il ne vous vient pas à l'idée de vous mettre en Pékin, alors pourquoi est-ce que je m'y mettrais? Parfaitement dit. Je vous présente également mon fils. Ah, c'est le jeune phénomène en question. C'est lui dont la santé... Mais, je suis au courant. Le marquis m'a exposé en venant. Eh bien, mais je ne peux pas vous répondre comme ça, moi. Faudrait voir. Si vous voulez, docteur, que nous passions dans la chambre de mon fils. Eh bien, mais ça me paraît ce qu'il y a de plus pratique. Maurice. Maman. Alors, justement, voici du monde. Venez, dépêchons-nous. Vous permettez? Par ici, docteur. Madame. Dites donc, monsieur le curé, vous tenez à voir le monde? Moi, pas du tout. Ben, moi non plus. Eh bien, si nous cédions la place, hein, allons fumer une bonne pipe dans ma chambre. C'est que je ne fume pas. J'ai dit une bonne pipe, ah bon, c'est bon, moi bon, qui la fumerai. Oui, à ce compte-là, je veux bien. Alors, venez, monsieur le curé, pas venez. Venez, si monsieur et madame veulent entrer, je vais aller prévenir madame la comtesse. C'est ça. Dis donc, bien ici, pur, noblesse vieille roche, ça se sent. Archi pur. Archi. Madame la comtesse prie madame de l'attendre un instant. Bien. Ah, mais qu'est-ce que je disais donc? Ah oui. Alors, n'est-ce pas en bas, le salon? Oui. La salle à manger? Oui. Et du billard, je fais ma chambre à coucher. Oui. Oh, tu sais, moi, comme je n'y suis pas admis. Oh, tu voudrais pas, non? Tiens, pourquoi donc? Mais voyons, il y a trop longtemps qu'on se connaît, ces choses-là, c'est tout de suite ou jamais. Ah, c'est consolant. Mon pauvre vieux, aujourd'hui tu es le sans importance pour moi. Quoi? D'ailleurs, comme pour mes amants. Regarde, quand il s'absente, à qui me confie-t-il? À toi. Musignol, mon actuel, au moment de partir en manœuvre, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu tiendras un peu compagnie à Tiennette, pourquoi? Parce qu'on sait que tu es de tourpeau. C'est ça. Ah, oh, c'est exquis. Tiens, tu ne mérites pas ton bonheur. Oui, c'est entendu. Ah, et pourtant, si au lieu de toi, tout de même, j'avais fait cette tournée d'auto avec un autre. Oh, non, mais va donc. Je ne sais pas si c'est la griserie de la vitesse, si c'est la campagne, l'air de la mer, le vent chaud, le soleil. Ah, ah, je me sens amoureuse aujourd'hui. Allons, de qui encore? Pas de Mussignol, assurément. Oh non, lui, c'est mon amant. Alors? Mais de personne, malheureusement. Amoureuse, un point, c'est tout. Amoureuse en disponibilité. Oh. Il y a des moments comme ça où on sent que l'on aimerait aimer quelqu'un. Mais tu penses bien que si je l'avais, ce quelqu'un, je serais avec lui. Je serais pas avec toi. Merci. Pas de quoi. Tiens, regarde. Regarde cette vue, cette mer verte, cette bonne brise tiède. Ça ne t'incite pas à l'amour? Mais si, je te dis. Oh là, t'es bête, écoute. Ah, j'aimerais prendre un bain là-dedans. On se déshabillerait dans la cabine là-bas? Oui, eh ben, on se baignera quand on sera arrivé à Roscoff. On a emporté ses costumes et ses peignoirs pour ça. Au moins, là-bas, il y a des bains organisés. Bah justement, ce ne sera pas la même chose. Se baigner avec un tas de gens qu'on ne connaît pas dans la même eau. Oh, on peut pourtant pas vous donner une mer par personne. Mais c'est ce qu'on a ici, l'océan. Elle sera tout seule, la mer, t'avoue, la mer toute vierge. Mais non, elle a l'air comme ça, mais c'est la même Karoskov. Elle fait sa vierge ici et là-bas, elle s'est donnée à tout le monde. Oh, faut pas s'en laisser compter. Oh, tu n'as pas l'âme poétique pour un sou. Ah, toi, tu l'as, l'âme poétique. Toujours, toujours. Heurteloup, venant du hall, pénètre carrément dans le salon, comme un homme qui entre dans une pièce où il ne s'attend à trouver personne. Il a changé de vêtements et porte une longue redingote noire très sévère. Oh, pardon, je ne savais pas que... Oh, oh Toto! Oh, d'un chien! Etienne, mais qu'est-ce que tu fais ici? Chut, taisez-vous, c'est le sein de la famille. Ma femme, mes cousins, cousines, neveux, tout le tralala. Et des curés, des cultes de la religion, jusqu'au con. Et c'est pour ça que t'es un sacristain? Et oui, c'est ma tenue de recueillement. Non, non, surtout si on vient, vous ne me connaissez pas. Oh, mon pauvre tata. Eh ben, il ajoute. La chute. Oui, la chute. Elle est à Concarneau. Oui, la chute, oh, pauvre petite, c'est pas drôle. Juste 2 heures par jour pour se voir, c'est sec. Et de plus, le matin. C'est assommant pour tous les deux, pas moyen autrement. Faut que ça concorde avec les offices. Chout qui n'aime pas qu'on l'éveille de bonne heure comme c'est gay. Et moi, obligé d'avaler des kilomètres de bécane. Voilà un calvaire. Oh, le mariage. Oh. La cousine. Heurteloup s'écarte avec des petites révérences pour se donner l'air de quelqu'un qui vient seulement d'entrer. Madame de Marmy. Oui, madame. Mon maître d'hôtel Marmy, votre carte. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais... J'étais avec mon fils qui vient d'être un peu souffrant. Mais je vous en prie, madame. Monsieur de Marigny, sans doute? Non. Non, madame, à mon grand gré, je dois le dire. Ah, pardon. Non, monsieur est un de mes amis qui a bien voulu m'accompagner. Monsieur Guérassin. Mon cousin, monsieur Hector Heurteloup. Madame, je vous m'en pardon, madame, j'ai fait irruption dans le salon, ignorant qu'il y avait du monde, mais je puis... Genre. Mais du tout, ce que j'ai à dire ne cache aucun mystère. Ah. Je vous en prie, asseyez-vous. Voici en 2 mots, madame. J'ai vu qu'il y avait attenant au parc de ce château un pavillon de chasse disposé en maison d'habitation et qui est à louer. Parfaitement. Je l'ai visité et il me plaît tout à fait. Alors, comme on m'a dit que c'était vous qui en étiez propriétaire... En effet, madame, mais l'on aurait dû vous dire également que c'était mon intendant qui avait charge de... Enfin, mais n'importe. Je suis bien heureuse que vous vous soyez adressée à moi puisque ça me permet de recommander tout particulièrement votre requête à mon intendant. Oh, vraiment, madame, je suis confuse. Non, mais du tout, madame. Croyez bien que c'est en égoïste que je parle. Vous devez le savoir mieux que personne dans notre monde. Nous avons un peu le préjugé de caste. Aussi, quand il m'arrive de pouvoir louer à quelqu'un de la noblesse... De Marigny. J'ai connu un chevalier de Marigny. Est-ce que vous auriez épousé son fils? Guérassin ne peut réprimer un pouffement de rire qui, dans l'effort qu'il fait pour le retenir, prend l'apparence d'un vaste éternuement qui l'étouffe aussitôt dans son mouchoir. À vos soleils, mille grâces, madame. C'est le grand soleil qui enrhume. Oh, ça, c'est le grand soleil, évidemment. Il lance un petit coup de pied d'intelligence à Heurteloup, qui, gêné, se détourne d'un mouvement brusque. Mais comme il est tout au pied du requin, il fait basculer la chaise longue qui le dépose par terre en repliant son dossier sur lui. Oh. Eh bien, mais qu'est-ce qui vous prend, Hector? Moi, rien, c'est le requin qui a basculé, là. Oh, vous nous donnez des émotions. Non, je vous demandais donc, madame, si... Mon Dieu, madame, j'ai mieux être franche, je ne suis pas mariée. J'ai bien connu le chevalier de Marigny, mais il fut un ami et un père pour moi, à ce point que quand j'ai eu la douleur de le perdre, son nom m'est resté par l'habitude. Et comme aucun héritier n'était là pour le recueillir, j'ai continué à le porter au théâtre. Ah, vous... Aïe donc. Quant à moi, mon nom est beaucoup moins aristocratique. Je m'appelle vulgairement Charlotte Cunard. Comme mon père, qui tenait un petit café rue de la Tour d'Auvergne. Voyez donc, madame, que je serais fort en peine pour faire croire que j'ai du sang bleu dans les veines. Mon Dieu, madame, après ce... Laissez-moi achever, madame, quand ce ne serait que pour me permettre de dire moi-même ce qui me serait plus pénible à entendre de votre bouche. De la profession de foi que vous avez bien voulu me faire tout à l'heure, je dois conclure que j'ai peu de chances de retrouver les bonnes dispositions que vous sembliez avoir à mon égard, et que par conséquent, pour ce pavillon... Écoutez, madame, puisque vous avez le tact de comprendre certaines susceptibilités qui sont peut-être d'un autre âge, mais enfin, qui sont... Oui, madame, oui. Certes, je ne jette la pierre à personne. Mon cousin vous dira que nos sentiments chrétiens sont trop ancrés. Et... Oui. Mais enfin, dans notre entourage, très austère, un milieu artiste, surgissant tout à coup, ce serait même une gêne de part et d'autre. Mais il suffit, madame. Ne vous croyez pas obligée de me donner des explications. Soyez bien persuadée, même, que si j'avais pu prévoir, mais l'écriteau ne portait aucune restriction. Alors, je me suis cru permis. N'importe, je suis édifiée et il ne me reste plus qu'à m'excuser. Vous croyez que je suis désolée? Ne vous désolez pas, madame. Il n'y a vraiment pas de quoi. Vous venez, mon ami? Madame, monsieur. Si vous voulez accompagner madame jusqu'à son automobile, Hector. Mais volontiers. Par ici, madame. Madame. Eugénie paraît à la porte du salon. Elle s'efface devant Étiennette et les deux hommes. On échange des saluts froids. Madame. Madame. Monsieur. Et Eugénie reste un moment sur le pas de la porte à regarder la sortie. La comtesse agite son mouchoir comme pour chasser les miasmes. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Une actrice ! Une actrice chez moi ! Une actrice ? Oh, ces créatures ont toutes les audaces ! Une actrice ? Et monsieur Hurtelouscombe est avec elle ? Non, ne t'inquiète pas, c'est moi qui l'ai priée. Oh, j'espère ! Ah, docteur ! Eh bien, vous avez examiné mon fils ? Eh oui, madame, il se dispose à aller prendre son bain. Ah, vous autorisez... Certes, très bon, la mère, ça fouette le sang. Tout ce qui est exercice est violent, j'approuve. Et comment l'avez-vous trouvé? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un garçon qui fait de la neurasthénie. Oh mon Dieu, c'est grave! En soi, non, mais enfin, c'est toujours un mauvais terrain. Oh, vous m'effrayez. Quand je pense que ce garçon doit partir en octobre pour son service militaire. Ah bon, ça très bien, parfait! Hein? Ah, c'est ce qui peut lui arriver de meilleur. Il trouvera parmi ses camarades des exemples salutaires et son état. Et s'il a la bonne idée de les suivre... Vraiment, docteur? Ah, vous me tranquillisez. Mais enfin, étant donné l'état actuel, comment peut-on enrayer... Comment? Oui. Comment? Ah, écoutez-moi, madame. Je suis un vieux militaire et pour moi, un chat est un chat. Oui, docteur, oui. Eh bien, ce qu'il faudrait à votre fils, dame... Il faudrait... Mais quoi? Mais qu'il marche, madame, qu'il marche! Qu'il marche? Évidemment! Mais il marche, docteur! Hein? Avec qui? Mais avec ma cousine, avec moi, avec monsieur le curé! Hein? Non, vous n'y êtes pas du tout. Vous notez que je ne trouve pas mauvais qu'il fasse du footing avec madame ou avec monsieur le curé, mais ce n'est pas du tout cela que j'entends. Mais alors quoi? Mais vous quoi? Vous ne comprenez pas, madame. Ce qui travaille cet enfant, c'est sa jeunesse, c'est son printemps. Ne comprenez-vous pas qu'il subit la loi de la nature, commune à tous les êtres, commune aux oiseaux, aux fleurs, aux arbres, à tout ce qui a une vie? C'est le bourgeon qui crève de sève jusqu'à éclater. Eh bien, nom de Dieu, on fasse donc ce qu'il faut pour qu'il éclate. Mais qu'est-ce qu'il faut, docteur? Ce qu'il faut. Mais une femme, madame, une femme! Une femme? Pourquoi faire? Ah ça, madame, vous m'en demandez trop. Une femme? Mon fils? Mais c'est un saint! Et justement, madame, c'est un saint vierge et c'est ce qu'il ne faut pas. Oh, mais songez, docteur, songez que mon fils a l'intention de se consacrer à Dieu. Et Dieu impose à ses ministres comme premier devoir la chasteté. Oui. Ah ça, madame, c'est un autre point de vue. Chacun son traitement. Moi, ce n'est pas le mien. Ah, et puis enfin, mon fils est trop jeune pour le marier. Mais qui vous parle de mariage? Oh, mais docteur, vous êtes le diable. Mais non, madame, mais non. On est parti. Oh, viens, on voit. Et vous, monsieur le curé, venez à notre secours. Monsieur le docteur est en train de nous dire des choses terribles. Terribles. À ce point? Oh, mon Dieu, mais quoi donc? Ben, il a vu Maurice, n'est-ce pas? Et il nous a dit qu'il faudrait... je n'oserai jamais. J'ai dit que ce jeune homme était arrivé à la nubilité et que la nubilité avait ses exigences. Là, qu'est-ce que je disais? Ainsi, vous comprenez, monsieur le curé, ce que l'on voudrait. Que mon fils... Oui, l'œuvre de chair, et sans mariage encore. Non. Enfin, voyons, monsieur le curé, parlez votre indignation. Mais, madame, la question est grave et il faut qu'on y réfléchisse. Hein? Comment? Vous ne frémissez pas? Je suis bien obligé de tenir compte de l'état particulier de Maurice. Il est établi que son tempérament manifeste des exigences impérieuses qui rejaillissent sur sa santé. Eh bien, qui vous dit que ce tempérament qu'il ignore aujourd'hui ne le trahira pas quelque jour? C'est vous, monsieur le curé, qui parlez ainsi? Mais oui, madame, c'est moi. Le vœu de chasteté est un sacrifice dont on ne mesure souvent pas assez l'étendue. Au moins, Maurice, s'il le prononce quelques jours, le fera-t-il en connaissance de cause? Et dût-il en résulter son renoncement à une vocation dont il ne se sentirait pas la force? Mais j'aimerais encore mieux cela, alors qu'il en est temps encore, que de le voir devenir plus tard un mauvais prêtre ou un renégat. Voilà, parfaitement parlé. Vraiment, monsieur le curé, vous êtes d'un libéralisme. Certes, votre prédécesseur était autrement intransigeant. Mais oui, je sais, madame, il y a les deux écoles. Moi, j'estime que l'intransigeance est incompatible avec le caractère du prêtre. La religion de Dieu est faite d'indulgence et de miséricorde. Eh bien, je crois qu'il faut écouter les enseignements d'en haut et ne pas être plus légitimiste que le roi. Ah, bravo. Monsieur le curé, je ne suis pas positivement un bon dieuzard, mais vrai, vous m'allez. Vous devriez être militaire. Ah, halte là, monsieur le médecin principal. En temps de guerre, nous avons notre place comme vous sur le champ de bataille. Nous ne tuons pas, voilà tout. Mais moi non plus, monsieur le curé, moi non plus. Quoique médecin. Ah, non, c'est pas ça que je voulais dire. Soyez-en persuadé. À la bonne heure. Et maintenant, madame la comtesse, je vous ai dit ce que ma conscience me dictait. Je ne veux pas intervenir plus longtemps dans une question qui sort vraiment trop de mes attributions. Vous avez eu la gracieuseté de m'inviter à déjeuner. J'ai encore mon bréviaire à dire. Je vais, si vous le permettez, me recueillir un peu par là. Faites, monsieur le curé. Et moi aussi, je m'en vais. Parce que vraiment, devant la tournure que prennent les choses... Mais allez donc, Eugénie, allez donc. Mais certainement, je vais. Certainement, je vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Eugénie. Tout le monde s'en va, mais alors moi aussi. Quoi? Vous aussi, docteur? Mais madame, ma mission est terminée. Pour la décision que vous avez à prendre à cette affaire de famille, je n'ai point voix au chapitre. La porte de Maurice s'ouvre et l'on voit celui-ci en costume de bain, achevant de passer un peignoir que Luc lui tend. Ah, d'ailleurs, voici votre fils qui est prêt. Si vous le permettez, en attendant l'heure de mon train, je descendrai avec lui assister à son bain. Oh, pauvre petit. Je vais prendre mon bain, maman. Oui, mon enfant, va. Tiens, monsieur le docteur t'accompagne. Ah, c'est bien aimable. Alors, vous venez, docteur? Voilà. Maurice. Maman. Embrasse-moi, mon enfant. Embrasse-moi bien. Mais avec joie, maman. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien, mon enfant. Va, va. Ah, mais... mais il n'y a rien. Ta mère éprouve le besoin de t'embrasser. C'est un naturel. Oui, c'est drôle. Bon, viens, docteur, si vous voulez. Je vous suis. Pauvre petit. À tout à l'heure, madame. Je viendrai vous présenter mes hommages. C'est ça, docteur. À tout à l'heure. Et merci. Ah oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon cher. Et c'est cet enfant-là qu'on voudrait que moi... Oh non, jamais. Oh, allons, Solon. Ouais, tu triomphes, toi. Moi? Bon. Mais en quoi êtes-vous donc fait, vous autres hommes, que tous, jusqu'au plus pur, vous soyez ainsi assujettis à la tyrannie de votre chair? Ah, prends garde, ma chère sœur, prends garde. Tu es en train de blasphémer. Songe que c'est le bon Dieu qui a organisé les choses ainsi, pour la perpétuation de son œuvre. Et il a bien fait, car c'est encore le meilleur moyen d'assurer la conservation de l'espèce. Pauvre petit être si chaste, si pur, dans les bras d'une femme. Ah, dame! Alors sa mère ne lui suffit plus. Mais vous, tu voudrais pas. Il faudrait que j'aille démolir dans son âme le monument de candeur que j'avais si jalousement édifié. Oh non, jamais. Ah! Ben, tu t'en chargeras, toi, si tu veux. Ah, ben merci de la commission. Moi, je fermerai les yeux, puisqu'il le faut. Mais il m'enverra religieusement promener. Ah, mon Dieu. Ma tante, qu'est-ce qui se passe sur la plage? Je vois des gens qui courent en tous sens. Et au loin dans la mer, une personne qui a l'air d'être entraînée par le courant. Entraînée? Allons bon, mais qu'est-ce qui arrive encore? Quelques nouvelles victimes du raz-de-marée? C'est pas Maurice? Non, Maurice connaît sa plage, il ne se risque pas de ce côté-là. Oh, on dirait une femme, je vois sur sa tête comme une marmotte rouge. La malheureuse. Oh, elle luttait perdument contre le courant. Et pas une barque, pas un homme pour aller à son secours. Non, de tous ces marins, aucun ne sait nager. Heureusement qu'elle a l'air de bien nager, elle, oui. Oh, voilà. Ah, regardez, voilà quelqu'un qui s'est mis à l'eau et fait force de bras dans sa direction. Mon Dieu, mais c'est Maurice. Maurice? Oh oui, je reconnais son maillot. Mais oui, c'est Maurice. Oh mon Dieu, mon enfant, mais il est fou, Maurice. Oh, voyons, ça lance un peu de sang froid, voyons. Oh, mais les foulons l'entraînent, Maurice, mon Dieu, lui, venez tous, monsieur Maurice est en train de se noyer, Maurice. Elle disparaît, suivie du marquis. Huguette est restée affalée, sans force, contre le chambranle de la baie. Oh mon Dieu, Luc surgit en trombe, suivi de deux valets de pied affolés. Ils disparaissent. Courant à leur suite, Eugénie trottine tant qu'elle peut pour les rattraper en levant de grands bras au ciel. Huguette est restée comme paralysée, les yeux fixés sur l'horizon. Oh, j'ai peur. Oh, qu'il est déjà loin, il a presque rejoint la femme. Mon Dieu, vous ne laisserez pas se consommer une pareille catastrophe. Mon Dieu, je vous implore à genoux, sauvez Maurice. Sauvez-le. Je sais que son vœu le plus ardent est de m'amener à vous. Eh bien, je jure de me faire votre servante. Mais sauvez-le, mon Dieu, sauvez-le. Que se passe-t-il donc? J'ai entendu crier, tout le monde courait. Oh, monsieur le curé, recevez mon serment. Devant vous, je renouvelle le vœu que je viens de faire à Dieu, de renoncer au monde et d'entrer au couvent. Mais qu'y a-t-il donc? Vous m'effrayez. Il y a que Maurice est en péril, qu'il va se noyer peut-être. Se noyer, Maurice? Vous ne me dites pas ça tout de suite. Oh, sauvez-le, mon père, amenez-le. Où est-il? Je n'ose regarder. Je ne le vois plus. Ah si, il a gagné à gauche. On dirait qu'il se rapproche de la rive. La femme est près de lui. Oh, Seigneur, est-ce possible? Courage, Maurice, courage. Un peu d'effort. Va, va, il n'y a plus très loin. On dirait qu'il a pied. Oui, oui. Il soutient la femme qui a l'air épuisée. Il la prend dans ses bras. Sauvés, ils sont sauvés. Ah, oh, Dieu, soyez bénis. Qui avait eu pitié de ma détresse. Luc suivit les deux valets pieds qui ont pris des noirs, déploie sa friction des bouteilles d'alcool. Vous, vous apprêtez tout par là, chez Monsieur Maurice. Oui, oui. Vous, dans cette pièce, là, pour la dame. Oui. Et toi, voilà, Claudie, oui, là, des oui. serviettes, voyons, des, oui, des oui. serviettes dans les deux oui, chambres, allez, vite, oui, voyons, oui, voilà, vite, bon. Ah, mon enfant, remerciez le Très-Haut, il a exaucé votre prière. Je le sais, monsieur l'abbé. De la fenêtre, j'ai suivi tout le drame. Ah, que Dieu soit béni. Vous avez reçu mon serment, monsieur l'abbé. Je le tiendrai. Non, mon enfant, non. Dieu a entendu votre cri de détresse et en a eu pitié, mais jamais il ne fait de sa miséricorde le prix d'un marché. Un vœu prononcé dans de telles circonstances ne saurait être valable. Devant lui, en son nom, je vous en relève. Cependant, monsieur l'abbé... Chut, chut, voici du monde. Oh, merci, mon Dieu, sauvé. Oh, sauvé, il est sauvé. Oh, monsieur l'abbé. Madame la comtesse, le Seigneur était avec vous. Oh, oui, oh, Jésus-Marie, sainte mère de Dieu, soyez bénie. Huguette, Huguette, ton cousin est sauvé. Oui. Un petit cœur sac, va. Sait-on jamais ce qui se passe au fond d'un cœur? Il n'y a qu'à la voir. Oui, je sais bien. Oh, mon Dieu, quel drame, mon Dieu, quel drame. On voit arriver, précédé du marquis, Maurice portant Étiennette à moitié évanouie. Au-dessus du cortège, et cavalcadant un auguste de cirque, Guérassin porte les vêtements d'Étiennette. La comtesse se précipite au devant de son fils, ainsi que Génie. Mais qu'est-ce qu'il y a eu d'or? Mais rien, rien. Docteur, venez. Voilà, voilà. Oh, quel drame, mon Dieu, quel drame. Oh, on froid, on froid. L'émotion par laquelle je viens de passer. Oui, oui, ce n'est pas le moment de te laisser aller, madame, tout est fini. Qu'est-ce que c'est? Madame la comtesse, c'est les serviettes. Et puis, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous restez là à causer? Mais c'est madame qui me parle. Mais allons donc, voyons, allez. Oui, oui, madame. Dire que j'aurais pu ne jamais le revoir. Et tout ça pour cette demoiselle? Qu'est-ce que vous voulez, Eugénie? C'est toujours vous qui faites la perte des hommes. Moi? Votre sexe. Oh, je t'en prie, ne plaisante pas. Tu as le cœur aussi sec que ta fille. Et c'est pas peu dire. Oui, Eugénie, oui. Là, et bien maintenant qu'il n'y a plus d'inquiétude à avoir, je vais me rhabiller. C'est ça, ne prenez pas froid. Oh, vilain enfant, tu n'aimes donc pas ta mère pour lui infliger des transes pareilles? Oh, mais maman, il fallait bien. Oh, promets-moi que plus jamais... Oui, oui, oui, maman, seulement je vais prendre froid. Mais oui, laisse-le donc, allez. Et oh, on voit que ce n'est pas ton fils à toi. Va, mon enfant, va. Monsieur l'abbé, accompagnez-le. Veillez à ce qu'il ne manque de rien. Mais ce n'est pas la paix. Si, si, si, je vous en prie, monsieur l'abbé. Mais comment donc, madame? Allons. Eh bien, voyons le linge. Le linge de Monsieur Maurice. Mais j'étais là avec la dame noyée. Et la dame, elle pouvait attendre. Tandis que Monsieur Maurice peut attraper froid. Mon Dieu, la dame aussi. Oui, oh, mais la dame... Eh bien, courez, voyons. Oui, madame. Ah, le docteur. Alors, nous en avons été quittes pour la peur. La petite syncope de cette jeune dame n'est que le résultat de l'émotion. Tout va bien. Vraiment, c'était pas la peine. de venir jeter le trouble dans notre milieu pour si peu de choses. Ah, qu'est-ce que vous voulez, Eugénie? Cette pauvre dame, elle a fait ce qu'elle a pu. Oh, mais l'heure de mon train approche, il serait bon de penser au départ. Mais vous avez le temps, docteur. Veux-tu voir si le phaéton est attelé? Oui, j'y vais. Oh, madame, ne vous donnez pas la peine. Oh, mais comment donc, docteur? Et moi, madame, pendant ce temps, je vais aller prendre congé de votre fils et voir ce qui est peu probable s'il n'a pas besoin de mes services. La vérité, c'est que cela me permettra de le féliciter pour son courage et son dévouement. Oh. Car, pour ce qui est de sa santé, je suis sans inquiétude. Je vous ai dit le seul remède qu'elle réclamait. Oh. Alors, allons, je sens que je vous fais souffrir. Je vais retrouver votre fils. Oui, tenez, par ici, docteur. Madame, je vous en prie. Oh, je t'en prie. Ne prends pas cet air malin, tu m'agaces. Moi? C'est vrai, c'est ta faute, tout ça. Oh. C'est toi qui as sermonné le docteur. Moi? Oui. Oh. Eh bien, vous aurez beau vous liguer contre moi, jamais. Tu m'entends? Jamais. Oh. Ah, eh bien, monsieur Maurice. Oh, ça va bien, ça va bien. Tant mieux. Voilà. Ma Claudie. Madame la Comtesse? Ah non, rien. Ah? Si! Ah, ne ris pas, toi! Ça t'ennuie beaucoup de rentrer à l'orphelinat de Kenogan? Oh, madame la Comtesse. Eh bien, c'est bien. Pour le moment, je consens. Nous verrons plus tard. Tu resteras au château. Oh, merci, madame la comtesse. Oh, c'est bien, va, ne m'agace pas. Oui, madame la comtesse. Allons donc, tu tranches ou partie de la raison. Moi, mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, non, voyons, crois-tu que je ne lis pas dans ta pensée? Pourquoi ce brusque revirement si ce n'est pas ce que tu te dis que... Tais-toi. Ah, tu vois bien que j'ai deviné juste. Oh, les enfants. Les enfants. Ne te désole donc pas, va, c'est la loi humaine après tout. Eh bien, pourquoi s'insurger contre elle? Faisons en sorte que Maurice ne vive pas plus longtemps en marge de cette loi. Et pour cela, le mieux est de laisser parler la nature. Entoure habilement Maurice sans avoir l'air de rien, de jolies femmes, de frimoussacs guichantes, qu'il en trouve partout et tout le temps. Que diable! Il n'y a pas un homme qui n'ait son heure de défaillance et un jour, la tentation sera trop forte. Non, je le connais. Il se mettra à prier. Oh, alors zut. Oh, puis enfin, tu es bon. Entoure-le. Comment veux-tu que je m'y prenne? Je n'en connais pas, moi, des femmes. En as-tu, toi? Moi? Oh, mais ma pauvre sœur du bon Dieu, il y a longtemps que je suis rangé des voitures. Quoi? Expression qui veut dire qu'il y a longtemps que j'ai enrayé. Du jour où j'ai constaté que j'étais au-dessous de mes affaires, enfin, que je ne faisais plus honneur à ma signature. Aujourd'hui, je vis dans mes terres de Touraine. Et c'est pas là que... Tiens, la dernière que j'ai connue était une nommée Clarisse Houlgat, qui avait fait les beaux jours du 16 mai. Ah, eh ben voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, oh, madame, elle est devenue vieille. Enfin, du moins, je le suppose, parce qu'avec les femmes, les années, c'est pas comme avec les hommes. Mais n'importe, tu pourrais te renseigner. Une femme d'un certain âge, et elles ont le sentiment maternel plus développé. Ah non, c'est Houlgat me conviendrait très bien. Ah non, mais tu es superbe. C'est pas à toi qu'il faut qu'elle convienne. C'est à ton fils. Oh, c'est vrai. Oh, mon Dieu, que le rôle d'une mère est donc difficile. Mais qu'est-ce qu'on vient de me dire? Maurice, entraîné par le raz-de-marée. Non, rassurez-vous. Non, c'est fini. Ah, toujours comme les carabiniers, toi. La voiture du docteur est avancée. Ah, bon. Docteur! Voilà. La voiture vous attend. Ah, parfait. Madame, votre fils est en excellent état. Encore merci, docteur. Mais comment, donc, madame la comtesse? Je vous présente mes respects. Au revoir, docteur. Et ne nous abandonnez pas. Je vous accompagne. Et parfait, monsieur, madame. Au revoir. Ah, je suis tout de même plus rassurée maintenant que j'ai vu le docteur. T'as l'air d'un bon médecin. Tu trouves, toi? Oui. Un médecin qui traite par la pornographie. Oh. Mais jamais il ne te soignera, tu entends? Bon. Moi non plus. Étiennette entre timidement, suivie de Guérassin. Elle est entièrement rhabillée, à l'exception de son manteau que Guérassin porte sur le bras. Oh, Étiennette. Oh, madame de Marigny. Excusez-moi, madame la comtesse. Vous, madame... Oh, mais comment donc? Mais je vous en prie, mais asseyez-vous après les émotions que vous venez de traverser. Ah. Oh, vraiment, madame, je suis confuse. Non, mais je vous en prie, ne vous excusez pas. Oh, viens, Hector. Moi? Oui, toi, viens. Tu t'en vas? Oui, nous avons affaire par là. Ah, bien. Oh, madame, à quel effroyable danger vous venez d'échapper. Mais j'en suis encore tout en émoi. Ah, oh, madame. Oh, j'en ai mon déjeuner qui m'est resté là. Oh, c'est au courage de monsieur votre fils que je dois. Oh, aussi avant de partir. Et quoi? Vous songez déjà à nous quitter? Mais oui, madame. Oh. Écoutez, madame. Oui. Vous Vous auriez désiré louer ce petit pavillon. Oh, madame, ne revenons plus sur ce caprice d'un moment dont vous m'avez fait comprendre toute outrecuidance. Mais du tout, madame. J'ai réfléchi, et après tout bien pesé, je ne vois pas pourquoi... Oh non, c'est trop aimable, madame, mais non. D'ailleurs, ce n'eût été que pour l'année prochaine, ainsi... Oh, comme c'est tard. Tard? Pourquoi? Mon fils sera au régiment à ce moment. Ah, monsieur, votre fils sera... Oui, madame. Oh, pensez qu'on crée des êtres pour en faire de la chair à canon. Oh, autant de peur. C'est moins dangereux. C'est ce qui me console. Mais madame, je ne voudrais pas abuser si avant de partir, vous m'autorisiez à exprimer ma reconnaissance à monsieur votre fils. Oh, mais comment donc? Mais il sera trop heureux, il doit être prêt. Je vais chercher. Comment vous remercier, madame? Oh, mais voyons. Ah, oh, Guérassin, ce garçon, depuis qu'il m'a serré dans ses bras, depuis que j'ai éprouvé son étreinte vigoureuse, tandis qu'il me disputait au flot. Ah, oh, je ne sais pas, Guérassin, jamais je n'ai été serré comme ça, jamais. Allons, bon. Vois-tu, en une minute, en une seconde, j'ai senti que celui-là, c'était mon homme, que je lui appartenais. Mais elle devient folle. Ah, oh, Guérassin, je n'ai jamais éprouvé ça, jamais. Voici mon fils, madame. Ah, monsieur, je... Maurice est en tenue de séminariste. Oh. Je suis heureux, madame, de vous savoir saine et sauve. Oh, c'est à vous que je le dois, monsieur l'abbé. Oh, comment reconnaîtrais-je jamais? Mais c'est le ciel que vous devez remercier, madame. Moi, je n'ai été que le bras qui exécute. Oh, c'est égal, monsieur l'abbé. Je ne vous reverrai peut-être jamais, mais je tiens à vous dire que j'emporterai d'ici le souvenir le plus reconnaissant. Adieu donc, madame. Et que Dieu vous protège. Adieu, monsieur l'abbé. Mon enfant! Non, ce n'est rien, non, de ces fâcheux vertiges. Non, c'est passé, merci. Oh, que tu me donnes de tourments. Non, ce n'était rien. Adieu. Adieu, monsieur l'abbé. Oh, c'est dommage. Chez Étiennette, petit salon très élégant. Étiennette sert le café à des amis, tout en discutant avec Musignol, qui est en tenue de dragon. Mais rien, je te répète que tu m'as rien fait, j'en ai assez, voilà tout. Celle-là. Oh, ce qu'ils sont embêtants. T'as vu, ça fait Cléo. Oui, merci. Pourquoi es-tu si dur comme ça avec ce pauvre Musignol? Ah non, je t'en prie, Ne te mêle pas. Du café, Guérassin? Avec beaucoup de sucre, s'il te plaît. Non, alors, elle est raide, celle-là, alors. Enfin, mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Enfin, mais qu'est-ce que tu as fait d'Étiennette, alors, toi, pendant mon absence? Moi? Ah oui, je te l'ai confié, comme à un être de Turpeau. Oh, bah, dis donc. Alors, je reviens de manœuvre, aujourd'hui... Mais laisse donc, Guérassin, tranquille. Il n'a rien à voir dans tout ça. Bah, c'est clair. Ah, mais pardon, il me doit des comptes. Alors, comment? Alors, j'accours ici, n'ayant qu'une idée, revoir mon Étiennette, lui apporter toutes les économies d'amour, de 5 semaines, de célibat... Laisse-moi donc tranquille. Ah oui, de célibat. Du café. Hein? Je veux bien. Oui, et au lieu de l'accueil que j'attendais, je trouve une femme de glace, que ma tendresse excède, que mes assiduités insupportent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Pourquoi? Monsieur Guérassin par la manche et qui renverse à moitié la tasse de café qui me tient à la main. Oh, bah, pourquoi? Est-ce que je sais, moi, mon ami? Oh non, mais c'est extraordinaire, enfin! Est-ce que nous avons contracté un bail pour l'éternité? Dis, je n'ai pas aliéné ma liberté, que je sache. Eh bien, il me convient de la reprendre, je la reprends. Allons donc. Dis donc, il y a un homme là-dessous. Hein? Il y a un homme. Oh, tiens, prends ton café. Je t'en vais pas. À ton aise, qu'est-ce qu'on veut? Moi. C'était pas la peine de dire que tu n'en voulais pas. Oh, écoutez, mes enfants, vous n'avez pas bientôt fini de vous chamailler. Mais laisse-le donc. Tout ça, c'est des raffinements d'amoureux. On se dispute, et puis c'est bien meilleur après. Oh, je t'assure que tu ne me connais pas. Oh là là. Une femme subit une transformation pareille, sans raison apparente. Je sais qu'il y a un homme. Eh ben oui, là. Il y a un homme. Es-tu content? Eh ben, qu'est-ce que je te disais, hein, Guérassin? Qu'est-ce que je te disais? Quoi? Mon ami, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, allons, mais voyons. Je savais bien que si tu étais aussi changé à mon égard, c'est que tu avais abusé de mon absence pour me tromper. Oh, Musignol! Mais parfaitement! Te tromper? Oh non, mon ami, je ne t'ai pas trompé. Si ce n'était que cela, tu n'aurais constaté aucun changement en moi. C'est exquis. Non, le sentiment qui m'étreint est autrement élevé, car il m'a entièrement transformé. Il m'a donné l'horreur de ma situation, le mépris de la vie que je mène. Mais qu'est-ce que je suis après tout? Une femme entretenue, une cocotte. Oh, bah dis donc, au moins n'en dégoûte pas les autres. Quel est-il l'auteur de ce miracle? Le Godeluro? Le Polichinelle? Va, insulte-le. Épanche ton dépit impuissant. Tout cela ne changera rien à ce qui est. Étiennette. Quoi? Allons, voyons, mes enfants, c'est pas sérieux. Oh, très sérieux, très sérieux. Mais non, Étiennette, tu n'en penses pas un mot. Et pourquoi parlerais-je de la sorte si mon parti n'était pas pris? Ai-je l'air d'une femme qui cède à un caprice ou à un mouvement d'humeur? Non, non, c'est posément, tranquillement, mais bien résolument que je lui dis « C'est fini, fini, fini, nous deux. Ah. » Bon, eh bien, c'est bien, puisqu'il en est ainsi. Il ne reste plus qu'à m'en aller. Eh bien, mon ami. Adieu. Ah, oh, voyons, Musignol, tu vas pas faire ça. Ah, mais si, si, par exemple, si. Mais non, Étienne, voyons, dis-lui un mot aimable. Moi, je n'ai rien à dire. Allons, voyons, Musignol. Mais tiens, de me retenir, maintenant, moi aussi, mon parti est pris. Ah, non, écoutez, mes enfants, vous n'êtes pas rigolos. Et puis, tu sais, tu pourras venir me supplier. Après, ça sera comme si tu flûtais. Je ne flûterai pas. Et quant à ton gigolo... Ça n'est pas un gigolo. Oui, oui, eh bien, ton tout ce que tu voudras, je te réponds bien que jamais tu ne l'auras. Je le sais. Oh, mais n'en tire aucune vanité, tu n'y seras pour rien. Voilà, voilà, vous l'entendez? Non, mais quand je pense que je lui étais fidèle, que je repoussais des avances. Car enfin, si j'avais voulu en manœuvre, Dieu sait. Ah, ben, il n'en avait plus d'une. Oh, mais maintenant, plus souvent que je me gênerais... Merci de me dire cela, car enfin une chose pouvait me faire hésiter. C'était la peur de te faire de la peine. Mais maintenant que tu as pris soin de mettre ma conscience en repos... Hein? Non, mais c'est pas vrai. Non, tu sais, ça n'est pas vrai. Trop tard, mon ami, trop tard. Non, trop tard. Ce qui est dit est dit. Et puis, si ça n'est pas vrai aujourd'hui, ce le sera demain. Ah non, jamais, Tiennette. Non, je t'en prie. Non, mon ami, non. Non, donnons-nous la main et quittons-nous en bon camarade. Ah, mais ça non, par exemple. Adieu! À ton aise! Et jamais, tu m'entends? Jamais je ne remettrai les pieds ici! Soit! Musignol a été jusqu'à la porte, la même ouverte, mais il a vu Guérassin tranquillement adossé à un canapé. Au toi, tu sais, je te garde un chien de ma chienne. Oh, ben zut, à la fin, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Ah non, maison nette! Voyons, Étienne, c'est pas possible. C'est ton séminariste qui te monte comme ça au cerveau. Ah, je ne sais pas ce qui me monte au cerveau. Ce que je sais, c'est que je suis une autre femme et que je romps avec mon passé. Oh, oui, ma pauvre Étienne, mais c'est de l'amour. Eh bien, oui, là, je l'aime. Oh, mais rien de commun avec l'amour tel que nous le concevons, c'est quelque chose de pur, d'idéal. D'éthéré. Mais oui. Oui. Oh, certes, d'abord, je l'ai désiré comme un autre homme, matériellement, sensuellement. Oui. J'avais comme un besoin de lui, de le voir, de lui dire mon amour. Il est venu, je n'ai pas osé. L'aveu a expiré sur mes lèvres. J'ai compris que j'aimais l'inaccessible. Hein? Oui, qu'un mot l'éloignerait à jamais. Allons. Oui, alors j'ai refoulé cet amour, je me suis tue pour le garder, n'ayant plus qu'une terreur. C'est qu'il a pris ce que j'avais été, tant je tremblais qu'il me méprisa. Oh. Je l'ai revu souvent. Depuis, peu à peu, j'ai subi l'ascendant de sa parole qui a été pour moi comme une eau lustrale, comme un bain purificateur. Aussi, la pensée que j'ai pu le désirer m'apparaît aujourd'hui comme une monstruosité. Si je l'aime toujours, du moins... C'est d'un amour noble, immatériel, quelque chose comme un amour spirituel. Ah, tu le trouves spirituel? Mais c'est idiot! On n'aime pas dans le clergé! Oh. Tu parles! Mais qu'est-ce que tu peux espérer? Oh, rien, non, rien, je n'espère rien. Eh bien, si tu n'espères rien, ne gâche donc pas ta situation à plaisir. Tu as en Musignol un protecteur sérieux. Moi, le tromper avec Musignol, jamais. Ah, non, écoute, tu es superbe. Mais c'est pas lui que tu tromperais avec Musignol. C'est Musignol qui... Mais puisqu'il est le premier occupant. Quand je te répète que c'est une métamorphose qui s'est opérée en moi, je vais te paraître idiote. Enfin, si je te disais que je rêve de choses folles, d'entrer au couvent... De me consacrer au bien, d'étonner le monde par ma dévotion. Puis, de tout cela, d'aller lui faire l'offrande à lui et de lui dire, voilà votre œuvre. C'est ça, la Madeleine du XXe siècle. Mais ça ne se fait plus, ma chérie. Ah. Et tu t'imagines que tu ne l'aimes plus avec tes sens. Mais c'est des loufoqueries de femme amoureuse. Mais oui. Mais si c'en est, mais dont le courage de t'interroger sincèrement. Ce n'est pas Dieu que tu vois en lui, c'est lui que tu vois en Dieu. Alors, inconsciemment, tu t'es dit... La religion, voilà le terrain qui nous rapproche. Oh, tais-toi, tu blasphèmes. Ah, non, ça, c'est possible, mais j'y vois clair. Mon Dieu, on a sonné. Oh, c'est peut-être lui. Lui? Oh, oui, monsieur l'abbé de Plounidec. C'est l'heure où il vient généralement. Allons, bon. Allons, bon, qu'est-ce que j'ai fait de... Madame, de quoi? Je ne sais pas, c'est... Oh, je ne sais plus ce que je voulais. Regardez-la, elle valse. Allons, voyons-toi. Quoi donc? Tu te regardes dans la glace maintenant? Mais oui, on est très bien, du moment que l'âme est belle. Oh, te tairas-tu, insupportable plaisant. Monsieur et madame Heurteloup. Bonjour, mes enfants. Bonjour, Heurteloup. La chute. pas attention, c'est son genre d'esprit. Ouais, c'est mon genre. Oh, ça, vous êtes à Paris, vous autres? Non. Comment non. Je suis actuellement en retraite au monastère de Concarneau, où je prépare mon jubilé. Oh non. Et moi aussi. Eh ben, c'est du joli. Mais ta femme a donné là-dedans. Ma femme, tu parles. Non, elle est ici avec la famille à l'occasion de l'entrée de notre neveu au régiment. Ah oui, le petit séminariste. En effet, c'est demain qu'il entre au corps. Ah, tu sais. Comment? Oh, comment si elle le sait? Ah oui. Alors, moi, j'ai trouvé ce truc pour me donner campo. Et surtout, défense de m'écrire, de m'envoyer des lettres tout au jubilé. Je suis retiré du monde. Alors, comme ça, c'est à moi de bon. Hein? Oui. Est-ce qu'on jubile ou mon tata se jubile? Alors, voyons. Oh, celle-là, quand elle n'est pas sur mon dos, sur mes reins ou sur mes épaules. C'est que tu te retournes. Dis donc, non, mais c'était convenable au moins. Au fait, à propos de convenance, qu'est-ce qu'a donc Musignol? Nous venons de le croiser dans la rue, je lui ai dit bonjour Musignol. Il m'a répondu, la garde meurt et ne se rend pas. Comment? Pas du tout. Il t'a répondu meurt. Non, je sais, mais enfin, c'est comme ça que ça se dit dans les salons. Comme c'est plus long. Non, ça m'étonne pas, ce pauvre Musignol. Campo aussi, mais lui, porte son propre gré. Étienne et viendront. Non. Et en 5-5 encore. Mais qu'est-ce que ça a d'intéressant? Ah, bien, je comprends alors. Et pourquoi, je vous le demande? Allons, voyons, Guérassin. Ah si, il faut absolument... Absolument qu'il sache. Non, Non, c'est parce que madame est amoureuse de ton neveu, le jeune Ploudinet. Non. Ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, vous êtes stupide, la Maurice. Oh, elle est bien bonne. Le petit séminariste. Oh, je me tords. N'est-ce pas qu'elle est drôle? Voyez-vous, Oh non, mais je vous en prie, voulez-vous que j'appelle les domestiques, le concierge? Oh, pourquoi, du moment qu'il y a de l'amour au fond d'une chose, il n'y a pas de mal. Bon, mais je ne vous dis pas, mais enfin, ça ne regarde que moi. Bon, c'est égal, une soutane, moi, ça me jetterait un froid. Mais pourquoi? C'est toujours un homme qui est dedans. Tiens, moi, j'en ai connu un comme ça qui avait voulu se faire prêtre. Ah? Oui, c'était un juif. Quoi? Un prêtre juif. Oh, un ramin. C'est ça. Seulement après, ça ne lui avait plus dit. Alors, il était entré à la bourse. Oui, monsieur voulait un temple. Eh bien, vous savez, mes enfants, c'était un homme comme tout le monde. Un peu de choses près. Enfin, tout ça pour dire qu'un homme, c'est jamais qu'un homme. Oh non, mais ça, c'est égal. Maurice. Oh, ma pauvre Étiennette. Mais celui qui le dégourdira, c'est lui. Je n'ai pas l'intention de le dégourdir. Ah, mais non. Mais c'est ce qu'il y a de superbe, foin de la chair. Ah. L'amour psychique, le collage blanc. Ah. Voilà ce qu'elle rêve. Ah, ben, mon Dieu. Ben, à ce compte-là, ben, on peut s'entendre. Mais autrement, ah non. Ah, mais tenez, voilà, Maurice Soldat, vous voyez, je parie qu'il sortira du régiment aussi novice qu'il y entre. Il le quittera gradé et vierge. Sortir vierge d'un régiment? Ah, mais moi, je pourrais pas. Tiens, viens, l'autre. Voyons, je suis là. On a sonné. Regardez-la, le veston qui recommence. Mais pas quoi, je peux plus bouger, c'est extraordinaire, ma parole, on a sonné. Madame, c'est monsieur l'abbé de Plounidec. Mon Dieu, c'est lui. C'est lui. Où est-il? Vous l'avez fait entrer par là? Oui, madame, dans le petit salon. Bon, tout de suite, je vous sonnerai. Mes enfants, vous êtes très gentils, mais vous allez vous en aller. Juste au moment? Oui, juste au moment. Oh, laisse-nous le voir. Oh, vous, alors, vous. Oui, Non, pas du tout, je ne tiens pas à le voir, moi, merci. Et mon monastère, moi, non. Ah, non. Eh ben, tu iras faire un somme sur la chaise longue d'Étiennette. Justement, tu n'as pas fermé l'œil entre Concarneau et Paris. Ah, qui la faute? Je te dis pas. Ben voilà l'occasion de t'en refaire, hein. Oh, dis, Étiennette, montre-le-nous. Montre-nous-le. Montre-le-nous-le. Mais non, voyons, voilà une idée. C'est pas une bête curieuse. Oh, bah pourquoi? Mais parce que il y a là une question de bienséance, de délicatesse. Vous présentez à monsieur l'abbé, vous. Oh. Mais dis donc, t'es encore aimable. Bah, du moment qu'il vient chez toi, elle peut tout de même nous voir. D'autant qu'on a des usages. Oui, je ne vous dis pas, mais... Enfin, mais avoue la vérité. Après le portrait dithyrambique que tu nous as fait de ton petit ecclésiastique, tu as peur que nous ayons une déception. Oh, voilà. Bah, c'est vrai ce que dit Poulet. Voilà. Oh. Il est peut-être très toque, ton séminariste. Très moche. Toc, monsieur l'abbé. Ah, par exemple. Non, du tout, vous allez me faire le plaisir de rester là. Tu nous as fait comprendre que nous étions... Non, pardon. Nous ne voulons pas être indiscrets. Oui, eh bien, vous en irez tout à l'heure si vous voulez, mais pas avant d'avoir vu monsieur l'abbé. Non. Oh, non, je le veux. Toc, mon séminariste, ah ben, je vous ferai voir, moi, s'il est toc. Soit, mais c'est bien pour t'être agréable. Oh, ça, oui. Comme les femmes connaissent le cœur humain. Madame m'a sonné. Introduisez, monsieur l'abbé. Et attendez que je m'évapore. Bon, va. Oui, alors quand Maurice s'en ira, tu viendras prévenir. Entendu. Vous pouvez introduire. C'est ça. Et vous, je vous en prie, observez-vous surtout de la tenue. Songez que vous n'avez pas affaire à un gigolo. Oui. Que monsieur l'abbé ignore tout de moi, s'il se doutait jamais. Alors voyons tout de même, il ne s'imagine pas être chez une chanoinesse. Il ne s'imagine rien du tout. Son esprit ignore tellement le mal qu'il ne lui arrive même pas de le soupçonner. Oh, le mal. Tu es toujours à parler du mal. Vraiment, quoi vous voulez? C'est vrai, ça. Allons, voyons, Cléo, tu ne vas pas. Ah, monsieur l'abbé, quel plaisir de vous voir. Madame, vous avez du monde. Si j'avais su, vraiment, je suis indiscret. Indiscret, vous? Oh, vous, monsieur l'abbé. Oh, c'est nous qui sommes indiscrètes. Mais nous n'avons pas voulu nous en aller, monsieur l'abbé. Nous avions un si grand désir de vous connaître, monsieur l'abbé. Notre ami Étiennette nous a fait un tel éloge de vous, monsieur l'abbé. Voilà un accueil qui doit rassurer vos scrupules, monsieur l'abbé. On n'est pas plus aimable que ces dames. Votre serviteur, monsieur Garas. Mais nous en sommes un autre, monsieur l'abbé. Mesdames Paulette de Vermandois et Cléo de Montespan. Oh, mesdames, voilà des noms qui appartiennent à l'histoire. Ils n'appartiennent même qu'à elle. Et une petite amie à nous, Simone Clovis, dans l'intimité et la chute. Ça devient mieux, ça devient mieux. Un nom de roi, maintenant. Quoi? La chute? Ah non, Clovis. Ah, de mollusque, plutôt. Ça s'écrit 2SE. Ah, non. On n'est pas ambitieux. Et maintenant, mes amis, vous le connaissez, mon sauveur, celui à qui je dois d'être près de vous en ce moment. Oh, madame. Oui, Étiennette nous a dit. Oh là là. Vous avez montré un courage. Oh, si, il paraît que vous avez été sublime. Ah, si, il a été sublime. Que vous avez affronté les courants les plus dangereux. Mais non, quelle exagération. Non. Mais non, j'avais un bain à prendre, je l'ai pris. Quelle simplicité dans le dévouement. Oh, c'est un héros. Un héros. Je vous en prie, mesdames. Je vous en prie. Oui, dire que c'est mon cousin par alliance. Mais d'ailleurs, je n'étais pas seule. Et M. Guérassin, ici présent. Moi, sur le rivage. Oui, demandez-lui donc s'il se serait mis à l'eau pour me sauver, lui. Car enfin, pourquoi, hein? Pourquoi ne t'es-tu pas mis à l'eau? Je sais pas nager. Bon, voilà une raison. Mais si, madame, c'en est une. Et puis enfin, il faut être juste. Sans Monsieur Guérassin qui m'a signalé le danger que vous couriez, je ne me serais certainement pas aperçu. Je ne suis pas marché. Car enfin, c'est moi le monsieur qui criait en tout sens. Au secours, il y a une femme qui se noie. Eh ben quoi, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, mais fallait y penser. Oh, mais je vous en prie, monsieur l'abbé, vous restez là debout. C'est vrai, un siège pour monsieur l'abbé. Tenez, monsieur l'abbé, prenez donc cette chaise. Plutôt, monsieur l'abbé, vous laissez. Ah. C'est le fauteuil qu'affectionne monsieur l'abbé. Je commence à connaître ses goûts. Vraiment, madame, je suis confus. Oh, mais comment donc, monsieur l'abbé? Mais c'est bien moi, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, nous sommes trop heureuses. Madame, vous êtes bien, monsieur l'abbé. Mais comment donc vous? Vous ne désirez pas un tabouret, monsieur l'abbé? Je vous en prie. Où se couche ça sous vos pieds? Mais non. Vraiment, madame. Vous ne direz pas qu'on n'est pas heureux de vous gâter, monsieur l'abbé. Madame, je ne sais comment vous remercier. Vraiment, je suis confus. Le fait est qu'il y a longtemps que je viens ici, jamais on en a fait le quart pour moi. Oh, bah tiens-toi, t'es pas ecclésiastique, toi. Ah non, ça c'est alors. C'est si rarement qu'il nous est donné de converser avec un fils de l'Église. Oula! Que c'est une joie pour nous, monsieur l'abbé. Oh, vraiment? Ah oui, il y a des moments où on en a jusque-là, des laïcs. Ah, la religion. Vous l'aimez? Ah oui, la messe surtout. En musique? Oh, celle de 11h, à la Madeleine. C'est la plus chic. Oui. Eh bien, non. Non, moi, celle qui me touche davantage, oui. Celle qui me prend là. Ce n'est pas cette messe mondaine, élégante et qui ressemble à un spectacle. Non, c'est la messe toute simple dans une pauvre église de village. Combien vous êtes dans le vrai? Nous aussi. Tiens, parbleu. Est-ce l'humilité du Saint-Lieu? Est-ce le recueillement qui y règne? Je ne sais pas. Mais c'est plus fort que moi. Mon cœur se gonfle, ma gorge se contracte, je pleure. Comme un veau. Oh, pauvre Cléo. Le retour à la nature. Oh, mesdames, cela réchauffe le cœur de vous entendre parler de la sorte. Oui, je vois que vous êtes de ferventes chrétiennes. Si nous sommes. Et comment? Oh, mais ça ne m'étonne pas d'ailleurs, dans un milieu comme celui-ci. Oh, monsieur l'abbé. Madame, je ne sais pas si vous avez des enfants. Hein? Oh, non, alors. Oh, fais attention. Voilà. Mais à quoi? Mais au commandement. Je... Voilà. Au commandement. Ces demoiselles ne sont pas mariées. Non. Je suis confus. Vous êtes encore jeune fille. Nous ne sommes pas mariés. Voilà, nous ne sommes pas mariés. Elles ne sont pas mariées. Oh, mesdemoiselles et moi qui vous tiens des propos. Je ne vous ai pas choqué. Du tout. Qu'est-ce que c'est, Roger? Un mot. pour madame. Pour moi? Pour mademoiselle. Oui, pour mademoiselle. Pour mademoiselle. Vous permettez? Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Oh, je m'embête par là. Viens un peu, on rira. Oh, quelle brute. Eh bien, c'est bien. Dites que je viens. Je vous demande pardon, monsieur l'abbé. Oh. C'est une personne qui est là qui a à m'entretenir. À m'entretenir, c'est rien. Mais mademoiselle, je vous en prie. Seulement, je vous demanderai la permission de vous présenter mes adieux. Oh, mais je reviens, je reviens. Non, c'est que moi, je suis obligé de partir. Oh, déjà. Hélas, oui, mesdames. Je n'étais venu que pour prier madame de Marigny de m'excuser si je suis forcé de renoncer pour aujourd'hui à notre conférence quotidienne. Oh, vraiment? Oui, c'est demain que je rentre à la caserne et nous sommes convoqués pour aujourd'hui avant 6 heures à la place. Oh, ce qu'ils sont ennuyeux à la place. Vous ne pouvez pas y aller un autre jour? Eh non, impossible avec les choses militaires. Bah, en disant que vous étiez avec nous. Même en disant ça. Oh. Allons, puisqu'on est ainsi, au revoir, monsieur l'abbé, et j'espère à bientôt. Mais je l'espère aussi, mademoiselle. À tout à l'heure, vous autres. À tout à l'heure. Charmante jeune fille. Et quelle nature supérieure. Oh. Qu'est-ce que c'est encore, Roger? Madame, c'est une dame accompagnée de sa femme de chambre qui demande à être reçue en particulier. Bon, quoi? Mais quelle dame? Voici sa carte. Comtesse de Plounidec? Maman? Hein? Madame votre quoi? Mère? Madame votre mère chez moi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, pourvu que ce ne soit pas pour... Oh, mais pourquoi? Non, rien. Enfin, vous n'avez rien remarqué dans l'air de cette dame, Roger? Dans son air, oui. Non. Oh, il faut vraiment quelques raisons majeures pour que ma mère vienne ici vous demander un entretien particulier. Oui, évidemment. Oh, ça, je voudrais bien savoir. Écoutez, monsieur l'abbé, cet entretien ne saurait être long. Voulez-vous attendre par là avec ces dames et Guérassin? Guérassin, oui, entendu. Aussitôt madame votre mère partie, je viendrai vous donner l'explication. Mais attendre, cela me mettrait bien en retard. D'autant qu'il faut que je passe encore chez moi avant d'aller à la place. Oui. Ah mais tenez, voici ce que je peux faire. Oui. De chez moi, c'est sur mon chemin. Avant la place, je remonte ici savoir si... Eh bien c'est ça. Tenez, passons par là. Et vous, Roger, introduisez ces dames. La bonne aussi. La bonne. Ben oui, non, enfin, comme le désirera madame la comtesse, allons. Oh mon Dieu, pourvu que cela ne soit pas quelque contrariété. Si madame la comtesse veut entrer, entrez. Entrez, ma fille. Ma fille, me dites donc, malotru. Oh, pardon, mademoiselle. Madame. Oh, madame. Madame, prie madame la comtesse de l'attendre un instant. Merci. Ma fille, tu vois ce que l'on gagne à aller chez ces dames? Ce valet m'a prise pour une cocotte. Mais non, pour une gouvernante, tout au plus. Tu as une tenue tellement sévère. La tenue d'une femme honnête. Merci pour moi. Écoute, Solange, il en est encore temps. Notre place n'est pas ici, allons-nous-en. Non, ma chère, non, inutile. Mais c'est fou, voyons. Toi, la femme rigide, la femme de toutes les vertus, elle est composée avec une courtisane. Mais pour quel motif? Inutile, je te dis, ma décision est prise. Va-t'en si tu veux. Moi, je reste. C'est bien, je resterai donc. Et pas dans une pareille démarche que je t'abandonnerai à toi-même. Et cela m'est dur. Où as-tu vu que les calvaires fussent semés de roses? Elle. Vous, madame la comtesse, vous chez moi. Oui, moi. Oui, je comprends. Ma visite a lieu de vous étonner. Évidemment, je pourrais la justifier par de vagues prétextes, invoquer l'accident dont vous avez été victime chez moi, qui me fait un devoir, étant de passage à Paris, d'aller m'informer de vos nouvelles. Non, j'aime mieux aborder les choses, franchement. Mon Dieu, ce sont les visites de monsieur votre fils qui vous déplaisent, et vous venez me signifier moi que... Oh non, quelle idée. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Oh, alors je ne vois pas. Oh, mais je vous en prie, madame, asseyez-vous donc. Pardon, merci. Madame. Ma cousine, madame Heurteloup. Mais je crois déjà avoir eu le plaisir d'entrevoir madame. Ah oui? Oui, c'est au moment où je prenais congé de madame la comtesse. Madame est entrée, et si je ne me trompe, et alors seulement, je n'avais pas eu l'honneur de... Elle est interloquée par l'attitude de Génie qui a écouté tout cela, l'air dédaigneux, la bouche en cul de poule, le regard dans le vague, et avec ses dotelinements de tête tels qu'en ont les vieilles filles. Mais asseyez-vous donc, madame, je vous en prie. Ah, madame, la démarche que je viens de faire près de vous est d'un ordre... tellement délicat ça. Que vraiment, au moment de l'aborder, j'hésite. Un trouble m'envahit. Et mon Dieu, quoi donc, madame? Oh, j'espère que vous ne prendrez pas ce que je vais vous dire en mauvaise part et que vous me tiendrez compte de l'effort que je m'impose. Oui. Nous sommes femmes. Oui. Au fond de toute femme, il y a une mère. Vous me comprendrez. Parlez, madame. Je serais trop heureuse si vous m'apportez une occasion de reconnaître tout ce qui a été fait pour moi dans votre famille. Ah, merci de ces bonnes paroles. C'est une pauvre mère affolée qui vient vous trouver. Il s'agit d'une question où je suis tellement incompétente. Si vous saviez, les uns me disent « il faut faire ceci », les autres me répètent « n'en faites rien ». Je ne sais plus à quel saint vouer. Alors j'ai pensé à m'adresser à vous comme on s'adresse à un avocat consultant. Vous avez tant d'expérience. Moi, madame, et en quelle matière? Eh bien, voilà. Il s'agit de mon fils. De monsieur l'abbé? Oui. L'écrin. Hein? Ben, passez-moi l'écrin. Eugénie fait une moue de victime résignée et, ouvrant son réticule, en tire successivement un mouchoir, un paroissien, puis un chapelet. En le voyant, elle lève un regard au ciel, esquisse un discret signe de croix avec le chapelet. Tout de suite, madame. Oui. Mais... Eugénie a enfin trouvé l'écrin. D'abord, laissez-moi vous offrir cette petite bagatelle. À moi? Oh, madame, mais non, il n'y a aucune raison. Si, je sais. Mon frère, qui est bien renseigné, m'a dit qu'il était d'usage. Et puis, n'est-il pas naturel que l'avocat conseil perçoive des honoraires? Oh, madame, je suis confuse. Oh, la belle bague. Vous la garderez comme un souvenir des émotions que nous avons traversées ensemble. C'est mon fils, en quelque sorte, qui vous l'offre par mes mains. À ce titre, elle me sera chère par-dessus tout. Il est bien souffrant, le pauvre petit. Qui, monsieur l'abbé? Oh, je t'en prie, Solange. Ah, laisse-moi, Eugénie. Et puisque vous voyez Maurice, il ne lui est jamais arrivé chez vous d'être pris d'une faiblesse, d'avoir une syncope. En effet, il y a 3 jours, cela nous a assez inquiétés. Eh bien, voilà. Il paraît que c'est le résultat d'un excès de santé. Ah, oui. Mais je ne saisis pas. Oui, évidemment. À première vue, cela a l'air d'un paradoxe. Mais il paraît qu'en la matière, le trop est aussi préjudiciable que le pas assez. Oh, ces enfants, quelle cause de souci. Il a de la neurasthénie, comprenez-vous? La sève, la nature, le bourgeon, je ne sais comment vous expliquer... Il faut qu'il marche. Oh, comment? Non, c'est pas moi qui parle, c'est le docteur. Une façon de dire qu'il faut que... Oh, que... oh, je comprends. Vous comprenez? Oh, comme vous êtes instruite. Eh bien, moi, sur le moment, je ne comprenais pas. Non, Eugénie non plus. Mais quand on m'a mis les points sur les i... Oh, madame de Marigny, vous ne savez pas ce que c'est pour une maman quand on vient lui dire brutalement « Eh bien voilà, vous avez un fils qui est un ange de vertu, désormais, il n'en faut plus de cette vertu. Et à partir de maintenant, il est désirable que... » Oh, mais il ne faut pas, non, il ne faut pas. Ah, tu entends ce que dit madame. Eh, mais est-ce que cela n'a pas été mon premier cri du cœur? Il ne faut pas. Oh. Cri de révolte, d'indignation devant ce qui me paraissait une monstruosité. Et puis quand j'ai vu que tout le monde se mettait de la partie, se liguait contre moi... Oh, pas moi. Non, pas toi, mais le docteur, mon frère, monsieur le curé lui-même. Oh. Oui, madame, monsieur le curé. Oh. Alors, peu à peu, j'en suis arrivée à me demander où était mon devoir. Je me suis raisonnée. Je me suis dit que la santé de mon enfant était en jeu, que peut-être j'étais une égoïste à vouloir pour mon fils un bien qui n'était apparemment pas celui qui lui convenait. Que si son tempérament devait être une entrave continuelle à ce qu'il avait cru être sa vocation, ce tempérament, en somme, c'était Dieu qui le lui avait donné. Que s'il l'avait fait ainsi, c'est qu'il le réservait peut-être pour une autre mission, qu'on n'allait pas contre la volonté céleste. Et alors, insensiblement, je me suis résignée. Je me suis résignée au sacrifice qu'on attendait de moi. Je l'ai accepté. J'ai fini par le souhaiter. J'ai fini par chercher à le provoquer. Oh, vous ne savez pas ce dont l'amour d'une mère est capable. Oh, madame, alors quoi? Vous voudriez jeter votre fils dans les bras de... Mais qu'est-ce que je sais? Eh bien oui, voilà le fond de sa pensée. Au moment où son fils va entrer au régiment, où il n'aura pas trop de toute sa fermeté pour lutter contre la contagion des mauvais exemples, au lieu de le fortifier dans ses convictions religieuses, elle en arrive à souhaiter... Oh, madame, vous ne ferez pas cela. Mais alors, donnez-moi un conseil. Oh. Venez à mon secours. Vous voyez bien que je suis un pauvre être désorienté, perdu. Voyons, il s'agit de Maurice. Après ce qu'il a fait pour vous, il ne peut vous être indifférent. Votre fils? Oh, madame, si vous me demandiez ma vie... De me jeter au feu pour lui. Oh non, je ne vous en demande pas tant. Aidez-moi, madame, aidez-moi. Vous êtes bonne, vous êtes noble, vous portez un grand nom. Oh, ne parlez pas de mon nom. Laissez donc. Lorsqu'on croit pouvoir se parer d'un titre, c'est qu'on se sent de force à le porter. Et puis vous avez la noblesse du cœur, qui est la première de toutes. Mais comprenez donc que ce que je rêve pour mon fils, c'est un être d'élection qui serait digne de lui. Une femme de sentiments si raffinée, si délicat, qu'il aimerait assez, de façon suffisamment élevée, que les relations qui s'établiraient entre eux seraient bien plus une communion d'âme que toute autre chose. Oh, si vous vouliez, si vous vouliez... Si je voulais. Mais ne voyez-vous pas que vous êtes l'incarnation de la femme que j'ai rêvée? Vous êtes prête à vous jeter au feu pour mon fils, dites-vous. Eh bien, pour lui, faites moins et plus. Retenez-le par le charme qui se dégage de vous. Soyez son amie, sa confidente, sa conseillère. Et mon Dieu, si quelque jour, dans l'ardeur de vos sentiments, vous en arrivez à la grâce de Dieu. Mon pauvre petit, il est à vous. À moi? Je vous le donne. Oh non. Oh non, non, pas ça. Comment? Non, pas ça, pas ça. Non? Vous dites non. Bon, ça, je rêve. C'est moi qui ici m'humilie jusqu'à vous demander ce qui révolte en moi mes sentiments de mère et mes pudeurs de femme. Et c'est vous qui me repoussez. Qui dites non? Madame, je vous en supplie. Pourquoi? Pourquoi? Enfin, mon fils est jeune. Mon fils est beau. Ah oui, oui. Ils sont légion, les femmes qui seraient heureuses et fières. Ah oui, certes. Enfin, vous m'avez fait entendre que vous l'aimiez. Ah oui. Eh bien alors, je ne comprends pas. À quel sentiment obéissez-vous donc? Car enfin, vous en avez accueilli, qui ne le valait pas. Ah voilà. Voilà, oui. Oui, c'est sur cette réputation que vous vous êtes dit que vous n'aviez qu'à vous adresser à moi. Oh, madame... Oh, ne croyez pas qu'ici intervienne chez moi le moindre sentiment d'amour propre froissé. Non, non. Le sentiment auquel j'obéis est plus haut que cela, oui. J'aime votre fils, mais je l'aime d'un amour tellement pur, tellement élevé, tellement chaste, qu'il a pris en quelque sorte quelque chose de supraterrestre. Certes, quand il m'est apparu pour la première fois, alors qu'il me disputait au flot, cela a été pour moi comme un coup de foudre. Comment n'aurais-je pas été séduite par tant de courage, de beauté physique? Non, n'est-ce pas qu'il est beau? Ah, oh, s'il est beau. Oh, oui, il est beau. Oh, malheureusement, quelques minutes après ces instants d'émotion, je devais le revoir encore, et cette fois... Il portait la soutane. Cela a été comme une glace sur mon amour naissant. J'en ai compris aussitôt toute l'hérésie, toute l'impossibilité. Alors ce qui était chez moi un désir d'essence, brusquement, est devenu une dévotion pieuse. J'ai revu M. Maurice peu à peu, il s'est emparé de mon âme. Il l'a transformée, pétrie à ses idées, à ses croyances. Il a fait de la femme déchue... une pécheresse repentante. Il m'a sauvée du mal. Oh, j'ai continué à l'adorer, oui. J'ai continué, mais religieusement, dévotement, comme on adore au pied des autels, à genoux et prosterné. Oui, oui. C'est bien, madame. C'est bien ce que vous dites là. Et vous voulez, après cela, que je profane ce sentiment devenu si pur? Oh, madame la comtesse, vous que monsieur votre fils m'a appris à révérer comme une sainte, comme la plus vertueuse des femmes, est-il possible qu'il ait pu naître en vous une pensée pareille? Madame, faut-il que ce soit madame qui te rappelle à tes principes, à tout ton passé? Assez, assez. Oh, mon Dieu, ces paroles, il me semble entendre l'écho de ma conscience. Mon Dieu, vous voyez ma détresse, éclairez-moi, enseignez-moi la vérité. La vérité, la vérité, c'est de notre bouche qu'elle sort. Vous tremblez pour la santé de votre fils. Oh. Et madame, ne croyez donc pas ceux qui vous effraient, c'est une crise passagère dont il se remettra. Oh. Au-dessus de la santé de son corps, il y a la santé de son âme qui a droit à votre sollicitude. Absolument. Oh, mon Dieu. Et puis je ne peux pas être à lui... Et je ne veux pas qu'il soit à d'autres. Ah, madame, qu'il reste chaste, qu'il reste chaste. Eh bien, oui. Assez de compromissions comme cela. Assez d'intrigues équivoques. J'étais égarée, vous m'avez remis sur le chemin de la raison. Merci, madame. Je ne l'oublierai pas. Oui. Oh, je savais bien que la lumière se ferait. Ah, madame, que je suis heureuse de vous entendre parler ainsi. Madame, je vous avais mal jugée. Je vous fais réparation. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Adada! Oh mon Dieu, Hortelou, je l'avais vu. La porte s'ouvre violemment à deux battants et Hortelou surgit avec la chute sur les épaules. Oh! Il descend en cavalcadant joyeusement. Hortelou! Mon mari! Ma femme! Oh! La famille! Mon mari avec des gourgandines, un polisson! À ton rapport! À ton rapport! Oh, madame! Madame, je t'en prie. Madame. Laissez-moi. Hector, veux-tu venir ici? Mon Dieu, je vous demande pardon, madame, mais ma cousine, n'est-ce pas? Je ne peux pas la laisser. Je comprends très bien. Au revoir, madame, excusez-moi. Quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? N'en parlez pas, ce heurteloup qui vient de se faire pincer par sa femme avec la chaude sur le dos. Oh, le malheureux. Ce qui va se faire saler. En tout cas, rien ne pouvait m'être plus désagréable, surtout en la circonstance actuelle. Mais qu'est-ce que tu veux? On l'a pas fait pour son plaisir. Madame. Quoi? Madame sait que monsieur l'abbé est là. Monsieur l'abbé? Comme madame était occupée avec ces dames, je l'avais fait entrer dans le boudoir. Mais vite, introduisez. Si monsieur l'abbé veut entrer... Maurice paraît en militaire. Monsieur l'abbé. Mais qui vous reconnaîtrait ainsi? Vous êtes joliment bien en défenseur de la patrie. Oui. Non, vous moquez pas. Je me sens tout guindé. Je ne dois pas positivement avoir l'air martial. Mais si. Et comment? Non, mais d'ordre de l'archevêché, il nous a été prescrit de nous présenter en tenue. Ah bah, c'est une fière idée qu'il a eue, là, l'archevêché. Oui. La traîne d'uniforme. Chère madame, je suis revenu en hâte. Eh bien, ma mère. Rien. Simple visite de courtoisie. Oui, madame la comtesse s'est crue obligée de me faire l'honneur après l'accident qui m'était arrivé chez elle. Bien, tant mieux, cela me tranquillise. Je craignais que... Quoi donc? Je ne sais pas que... Enfin, peut-être elle trouva mauvais... Rassurez-vous, il n'est rien entré de pareil dans sa pensée. J'en suis bien heureux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Musignol. Le képi sur la tête et le stick à la main, les poings sur les hanches, il descend l'air provocateur, la démarche insolente dans la direction de Maurice. À la vue de l'officier, celui-ci a pris l'attitude militaire. C'est bien, repos. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Rien, simple curiosité, je voulais voir le donjon, le bourreau des cœurs, le chérubin, auquel on me sacrifiait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Musignol. Quoi? Musignol. Ah, laisse-moi, toi. Un simple soldat. Avancez, militaire. Mon lieutenant. Ne bougez pas. Vous dites? Je dis qu'en voilà assez. Vous vous conduisez comme un butor, sortez. Moi? Vous ne voudriez pas que devant mon inférieur... Il n'y a ici ni inférieur ni supérieur. Vous n'êtes pas à la caserne, mais chez moi. Il n'y a que deux hommes en présence. Vous avez raison. Échauffez. Mon lieutenant. Touchez-le donc. Voyons. Laissez-moi. Prenez garde, mon lieutenant. Vous allez commettre un acte que vous regretterez après. Parce que? Parce que deux choses m'empêchent de vous répondre. Votre grade... Soit, je l'oublie. Et mon caractère. Son caractère? C'est un soldat qui parle. Non, mon lieutenant. C'est un ecclésiastique. Un ecclésiastique? Oui, et un ecclésiastique. J'espère maintenant que vous comprendrez tout ce que votre attitude a d'odieux, tout ce que votre sortie a de révoltant. Un ecclésiastique? Et voilà à quel degré d'aberration vous en arrivez, avec vos suppositions pitoyables et votre jalousie aveugle, à oublier le respect de votre grade et à vous rendre publiquement ridicule. Non, Kenneth, je me suis conduit comme une brute, j'ai été fou, j'ai vu rouge. C'est la jalousie qui m'a fait perdre la tête. Enfin, pardon. Pardon. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon, mais à celui que vous avez offensé. Madame. À lui? À ce soldat? À monsieur l'abbé. Ah, je le veux! Monsieur l'abbé, je vous demande pardon. Mon lieutenant, non. Monsieur l'abbé, voulez-vous me donner la main? Oh, mon lieutenant. Merci. Et maintenant, allez. Allez-vous-en. Mais allez-vous-en! Tu me chasses? Par votre façon d'agir, vous avez élevé entre vous et moi une barrière infranchissable. Jamais, jamais je ne vous pardonnerai. Oui, Kenneth. Non. Je ne veux plus vous voir. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Le vachant Musignol, ne l'irez pas, ça vous... Mais toi, par exemple, tu paieras pour les autres. Je suis à vos ordres. Mais, m'a giflé. Par exemple, monsieur, vous m'en rendrez raison. Non, mais attends jamais. Voilà, soudain. Pignouf. Oui, c'est bien, oui, allez, laissez-moi. Non, mais c'est vrai, ça, là. Gifle, garçon. Voilà des façons. Allez. Bon, bah, alors, adieu. Oui, adieu. Oh non. Oh non, pas vous. Vous restez. Madame. Non, je vous en supplie, pas comme cela. Pas avant de m'avoir entendu, que je me sois disculpée. Madame, pourquoi m'avez-vous menti? Eh bien oui, c'est vrai, j'aurais dû vous avouer, mais je n'ai pas osé. Je ne voulais pas rougir devant vous. Oui, cet homme était mon amant. Je suis une malheureuse, une créature indigne. Vous voyez bien que ma place n'est pas ici. Elle n'est pas ici si vous vous occupez de l'opinion du monde. Elle est ici si vous tenez compte du rôle que vous y avez à remplir. Que voulez-vous dire? Vous voyez bien que j'ai soif de repentir, soif de pardon. Vous qui m'avez indiqué la voie du bien, allez-vous m'abandonner alors que j'ai encore si besoin de vous? Alors que mon initiation est encore si nouvelle? Alors que ma foi est encore si chancelante? C'est vrai. Vous ne doutez pas de ma sincérité, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque la pécheresse vous crie « Au secours !» lui refuserez-vous la main et vous détournerez-vous d'elle? Ah non, non, vous avez raison. Quoi? Je reste. Je puis espérer. Venez, venez, parlez. Confiez-vous à moi. Ah, monsieur l'abbé, merci pour ces paroles réconfortantes. Ah, vous ne savez pas quelle influence vous avez eue sur moi. Moi? En m'arrachant au flot qui m'entraînait, vous avez cru opérer un sauvetage ordinaire. Vous avez fait un sauvetage moral. Je n'ai plus qu'un objectif aujourd'hui, travailler au rachat de mes fautes et devenir la créature que vous souhaiteriez que je sois. Voilà le miracle que vous avez opéré. Mais quoi? C'est à cause de moi que... Oh, je serais si heureuse de mériter votre estime. Oh, madame. Mais j'ai besoin qu'on me soutienne. J'ai besoin du secours de vos lumières. Soyez mon conseiller, mon directeur de conscience. Oh, dites, vous voulez bien? Si je veux. Je suis encore bien novice, bien impuissant à exprimer les choses que pourtant je ressens. Mais puisque Dieu est avec moi, c'est lui qui m'inspirera les mots qu'il faut dire et par lesquels je vous persuaderai. Promettez-moi que vous viendrez me voir souvent. Toutes les heures de liberté que mon service me laissera, je vous les consacrerai. Et vous m'apprendrez à croire? À croire? Mais est-ce qu'on apprend à croire? On croit et voilà tout. Eh bien oui, je croirai puisque vous me le dites. Non, non. Pas parce que je vous le dis, mais parce que telle est votre volonté. Alors, parce que telle est ma volonté. Oh, mais relevez-vous. Pourquoi vous agenouillez? Laissez-moi rester ainsi. C'est l'attitude qui convient à la pénitente. Regardez Marie de Béthanie, celle que nous appelons la Madeleine. C'était une pécheresse, comme vous. Mais elle eut la foi en la présence du Sauveur. Et c'est par là qu'elle toucha le cœur de Jésus. Mais la Madeleine aima le Christ. Ah oui, mais elle l'aima comme il voulait être aimé. C'était une courtisane. Comment se fait-il qu'elle ait pu concevoir un autre amour que celui qui lui était habituel? Mais elle fut touchée de la grâce. À moins qu'elle n'ait eu conscience de l'impossibilité de son amour, et que plutôt que de voir s'éloigner d'elle celui qu'elle aimait, elle n'ait préféré se résigner à cette adoration muette qui devait lui cacher la nature de ses pensées. Mais croyez-vous donc que le Christ qui disait dans son âme se serait mépris sur le caractère de ses sentiments? C'est pourtant tellement le propre des femmes de savoir plier leur amour à l'idéal de ceux qu'elles aiment. Ah non, non, non, non, chez elles, tout est spontané, tout est sincère. Pécheresse encore, elle voit le Christ et reconnaît Dieu dans la chair du Fils de l'homme. Elle se rend auprès de lui avec un vase d'albâtre rempli de parfums. Elle commence par arroser ses pieds de larmes, puis elle les essuie avec les cheveux de sa tête. Elle baise ses pieds et les oint de parfums. Quand on aime... Comprenez-vous la beauté de cet acte de foi et d'humilité? Comprenez-vous que le Sauveur en fut touché par tout ce qu'il contenait de repentir, d'expiation et d'amour? Comprenez-vous? Comprenez-vous? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si je comprends le sens de vos paroles, mais je comprends que votre voix est une musique qui me monte à l'âme, me berce et m'étourdit. Non, madame, perdez-vous l'esprit. Ah, je comprends la Madeleine quand je me mets à sa place, s'humilier devant celui qu'on aime, quelle joie. Ah, oh, si je pouvais. Madame. Ah, être à vos pieds toujours, les inonder de mes larmes comme elle. Ah, comme je comprendrais ça. Mais quelle parole osez-vous dire? Non, non, non, ne vous éloignez pas. Laissez-moi me serrer, me blottir contre vous. Oh, madame, retirez-vous. Par pitié, oui, je suis folle. Mais la Madeleine est mal Christ. Pourquoi moi, pécheresse comme elle, n'aimerais-je pas à son exemple? Mais est-ce que tout l'évangile n'est pas un livre d'amour? Eh bien, après tout, pourquoi rougirais-je d'un sentiment que les Écritures magnifient? Mais taisez-vous. Votre amour est coupable. Celui-là, la religion, le réprouve. Eh bien, tant pis. J'en ai trop dit pour pouvoir reculer. Et puis je n'ai plus la force de lutter. Je vous aime. Mais malheureuse, c'est le démon qui vous possède. Chassez-le. Le chasser. Quand il me donne une des sensations les plus intenses que j'ai ressenties de ma vie. Moi, vous osez. Oui, j'ose. Jusqu'alors, vous aviez la soutane qui commandait à mon respect. Désormais, vous n'êtes plus l'ecclésiastique pour moi. Vous êtes un soldat, vous êtes un homme. Maurice a écouté tout cela d'air terrifié, les deux mains jointes en implorant le ciel avec détresse. Oh, mais pourquoi suis-je venu ici? Pourquoi? Parce que vous m'aimez aussi. Ah non, non. Mais si j'ai été dupe, vous l'avez été autant que moi. Pourquoi avez-vous tremblé tout à l'heure quand vous avez appris la présence de votre mère? Oui, pourquoi? Si ce n'est parce que vous sentiez bien que le sentiment qui vous attirait n'était peut-être pas aussi évangélique que vous vouliez le croire. Oui. Eh bien, ce sentiment, c'était l'amour. Et l'amour terrestre, l'amour charnel, celui qui tenaille, qui persécute et finit toujours par avoir raison de la volonté. Taisez-vous, taisez-vous. Vous pouvez vous dérober aujourd'hui, vous me reviendrez demain. Parce que ma pensée est dans la vôtre. Parce que vous m'aimez, et que maintenant, vous savez que vous m'aimez. Être de perdition, vous aspirez à ma chute. J'aspire à mon bonheur, j'aspire au vôtre. Oui, au vôtre. Et tenez, vous voulez savoir ce que madame votre mère est venue faire tout à l'heure? Ma mère? Me prier de m'employer à ce que vous appelez votre chute. Ma mère, quand vous osez... Oui, elle n'est pas seule à souhaiter. Monsieur le curé. Monsieur le curé? Oui, monsieur le curé, le vôtre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois entendre? Vous voyez que tout conspire contre vous. Et vous-même, oui, vous-même qui résistez en vain. Vous pouvez me maudire, mais vous ne partirez pas. Oh si je... Non, car si vous aviez dû partir, il y a longtemps que vous ne seriez plus là. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Allez-vous-en, laissez-nous. C'est Monsieur Musignol qui a fait monter cette lettre. C'est bien. Il attend la réponse en bas. Bon, bon, je sonnerai pour la réponse, allez. Bien, madame. C'est de mon amant. Je n'ai pas besoin de lire, il me demande pardon et me supplie de le laisser revenir. Dois-je lui dire qu'il peut monter? Ah non! Que vous importe? Ce n'est pas l'intérêt de mon salut qui vous préoccupe encore, je suppose. Mais pourquoi pas? Allons donc. Mais ayez donc le courage de regarder la vérité en face. Croyez-vous que j'ai pu me méprendre sur le cri que vous venez de pousser? Mais c'est le cri de la chair, fait d'amour, de jalousie et de désir. Vous voyez bien que vous m'aimez. Tu le vois bien que tu m'aimes. Non, non, non, laissez-moi. Laissez-moi. C'est bien. Qu'allez-vous faire? Faire dire à Monsieur Musignol qu'il peut monter. Oh, non. C'est bien. Faites dire qu'il n'y a pas de réponse. Oh, mon Dieu. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais viens donc, grand enfant. Le jardin du presbytère de l'abbé Bourset. Paysage d'automne. Une haie de clôture sépare le jardin de la route. La grille est grande ouverte. À droite, le jardin est clos par un mur percé d'une porte pleine, à côté d'une serre au faîte de laquelle on parvient au moyen d'une échelle de fer. Au milieu du jardin, un vieux chêne qu'enchâsse un banc de bois circulaire. Au loin, on entrevoit la mer qui s'étend à l'infini. Une vieille bonne est assise sur les marches de la porte du presbytère, en train d'éplucher des légumes qu'elle met à mesure dans une terrine placée à côté d'elle sur la chaise. Debout sur le banc, un tout jeune homme est en train de remettre un carreau qui manquait à la fenêtre. Eh ben, Jean-Loup, ça avance ? Ça va être fini, la mariotte. J'en suis au masticage. Ouais? Bon, m'attache un peu à pas me salir partout avec ton mastic. Que non, ça me connaît. Ouais, ben attache. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Dis donc, la mariotte. Hé! Hey. Je voudrais bien vous demander quelque chose. Fais, mon petit haut. Vous qui avez du goût. Oh, oh. Je voudrais avoir votre avis sur un objet. Et quoi donc? Oh, c'est peu de choses. C'est pour la demoiselle du château, vous savez, ouais. Qui m'a sauvé de la noyade le jour où je faisais l'idiot sans connaissance sur la plage. Il paraît que sans elle, ça y était de mon Jean-Loup. Oh, ça! Alors, ça vaut bien quelque chose, n'est-ce pas? Seulement quoi? Ce que j'ai cherché, quand on n'est pas riche, pas vrai. Et puis, je voulais que ce soit un souvenir qui eut rapport, et puis, qui vint bien de moi. Ouais. Alors, je sais pas si c'est bien. J'ai pensé que ça... Voyons! C'est pas un objet de valeur. Ça n'est qu'un objet d'art, fait par moi. C'est tout le mérite. Jean-Loup dégage l'objet soigneusement enveloppé dans de l'ouate. C'est une espèce de grand verre gravé. Oh! Oh, mais c'est très joli! Vous trouvez? Oh, oui. C'est moi qui l'ai gravé. Vous voyez, d'un côté, à ma sauveteuse, son sauveté. Oh. Ça dit tout. Et au milieu, nos initiales entrelacées. Ouais. De l'autre côté, elle, assise. Ah, oh, c'est elle, ça? C'est elle? Ben, je l'aurais pas reconnue. Oh, sur du verre, n'est-ce pas? Et au-dessus de sa tête, une femme en l'air qui brandit une couronne. J'ai vu ça dans des tableaux. Ça fait bien. Et moi, à genoux, lui baisant respectueusement le bout des doigts. Une main sur mon cœur. Ouais. Au fond, la mer avec une moitié de soleil qui en sort. C'est ce qu'on appelle une allégorique. Oh, comme t'es instruit. On a été élevés à la ville, pas vrai? Vous croyez que ça lui fera plaisir? Comment, mais c'est très joli. Oh, c'est simple. Ça pourra lui servir de verre à table. Comme ça, chaque fois qu'elle boira, ce verre lui dira « C'est le petit que j'ai sauvé. » Et ça fera plaisir à tous les deux. Bien pensé, mon petit, faut lui porter ça. Qui? Moi? Oh non. Bah, comment? Oh non, vous. Vous, vous lui porterez. Moi, voyez-vous, j'oserais pas la regarder en face. Quand on a été vu tout nu par une demoiselle, et que c'est pas voulu, on a trop honte. Jean-Loup, t'as de l'orgueil. J'aime pas me faire remarquer. L'abbé paraît au seuil de la porte du presbytère. Il tient à la main un porte-bouteille muni de 4 bouteilles cachetées. Eh bien, c'est comme ça que tu travailles, flâneur. J'ai fini, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que tu montrais là, à la Mariotte? C'est rien d'intéressant, monsieur l'abbé. C'est un cadeau qu'il voulait offrir à la demoiselle du château en manière de reconnaissance. Ah, ben voyons. Monsieur l'abbé. Alors. Ah là là, t'as fait donc pas prier. Pour ce que c'est. Oh, mais c'est bien ça. C'est simple. À ma sauveteuse, son sauveté. Ça peut aller? Bah, mon Dieu, c'est du français du cœur. Ah oui, du cœur. Alors c'est parfait. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là, cette espèce de brioche qui est au milieu? C'est mademoiselle. Ah, monsieur, mademoiselle. Ah. Oui, mais c'est évident, c'est mademoiselle. Je regardais mal. Et moi à côté. Oui. Et la renommée qui la couronne de laurier. C'est ça. Mes compliments, Jean-Loup, c'est tout à fait gentil. Eh bien, je suis content, monsieur l'abbé. Je sors, la Mariotte. Et où est-ce que vous allez encore porter notre vin? Qu'est-ce que ça te fait, puisque nous n'en buvons ni l'un ni l'autre? Pas aussi, mais que j'en aurai plus pour mettre dans la burette, hein? Comment fera-t-on pour le Saint-Office, hein? Eh bien, on en fera venir d'autres, hein? Non, allez, grogne pas. Oh. Je m'absente 5 minutes. Hein? Si madame la comtesse et sa famille arrivent pendant ce temps, dis-leur que je suis à 2 pas, chez la Marie-Jeanne qui est accouchée ce matin. Qu'on veuille bien m'attendre, le temps que tu viennes me chercher. Voilà d'où il va passer notre vin, chez la Marie-Jeanne, une fille mère. Une mère, c'est tout ce que j'ai à savoir. Oh. Et une mère qui a d'autant plus besoin de moi que la place du mari est vide à son chevet. Par conséquent... C'est bon, allez, tout ce que je dirai ou rien. Tu es bien aimable de me donner la permission. Je peux disposer, monsieur l'abbé? Oui, mais en sortant... Jette donc un coup d'œil à l'école en face. Il doit y avoir 2 carreaux qui manquent à l'une des fenêtres. Bien, monsieur l'abbé. Ah, et puis, si tu vois ton oncle, dis-lui qu'il vienne réparer mon mur, là. Hmm? Ces diables de gamins me l'ont dégradé en l'escaladant pour venir marronner dans mes espaliers. Mais que diantre, je leur laisse ma porte ouverte. Ils pourraient bien se dispenser de détériorer ma clôture. Enfin, allez, va. Oui, monsieur l'abbé. Huguette arrive à bicyclette. Bonjour, monsieur le curé. Oh, mademoiselle Huguette. Oh. Eh ben, justement... dis donc, et là, hé, Jean-Loup, et t'en vas pas, toi? Mais monsieur l'abbé, j'arrive en avant-garde, la famille me suit. Parfait. Tenez, mademoiselle Huguette, voici un petit gars qui n'ose pas vous dire qu'il a une surprise pour vous. Pour moi? Allez, Jean-Loup, allez. Oh, non. Comment, non? C'est-à-dire... Oh, mademoiselle, c'est une bêtise. Une façon de vous remercier, bien faiblement. Et de quoi, mon Dieu? Mais de... C'est moi le noyé, mademoiselle. Ah, c'est vous que... C'est moi, oui, mademoiselle. Jean-Loup, le vitrier. Oh, je vous demande pardon, je vous reconnaissais pas. Est-ce que c'est la première fois que je vous vois oui, comme en ça effet. Oui. Eh ben, mais c'est le moment d'y aller de ton offrande. À ma sauveteuse, son sauveté. Oui, monsieur le curé. Alors, voilà, mademoiselle, si c'était un effet de votre bonté d'accepter ce modeste vase en souvenir de la chose... Oh, vous êtes bien aimable, monsieur Jean-Loup. Je l'ai gravé moi-même, pour vous. Pour moi? Oh, c'est pas bien beau. Oh, c'est très joli. C'est simple. Ça me touche profondément, monsieur Jean-Loup. Alors, vrai, mademoiselle, vous ne m'en voulez pas? Et de quoi, monsieur Jean-Loup? Mais... de m'être montré si impoli, par ma tenue ce jour-là. Oh, pouvez-vous dire? Si. Je sais très bien que c'est pas comme ça qu'on se présente à une demoiselle. Surtout qu'il n'est pas de votre nom. Mais ce n'était pas de votre faute, monsieur Jean-Loup. Sûr que c'était pas de ma faute. Et il est évident que sur le moment, on n'y a réfléchi ni l'un ni l'autre. Oh non! Seulement, quand après ça on se rend compte, on a beau faire, on pense, on se rappelle... Et on se trouve tout gêné. C'est un peu vrai pourtant, ce que vous dites là. Oh, je le sens bien, allez. Est-ce bête? Je vous aurais revu comme vous étiez la première fois. Je ne sais pas. Il me semble que ça m'aurait paru tout naturel. Bah, j'aurais tout de même pas osé. Non, évidemment. Aujourd'hui, je vous revois comme ça. Je ne peux pas dire pourquoi. J'ai comme un peu de honte. Ça me gêne. C'est mon vêtement qui me fait me remarquer. Oh, mais ça me passera. Bon, faut l'espérer. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur Jean-Loup. Et quand on se rencontrera, des fois, eh ben alors, v'là tout, on se regardera pas. On saura que le cœur y est. Oui, monsieur Jean-Loup. C'est ça, oui. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, Jean-Loup. Brave petit gars, tout de même. Oh, je crois que j'ai été stupide. Mais non, ma chère enfant. Mais si, je suis capable de lui avoir fait de la peine. Oh, est-ce que c'est bête d'être bête comme ça? Oh, monsieur le curé. Madame la comtesse. Vous nous avez fait prier de venir. Mais oui, madame. Bonjour, monsieur le marquis. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette convocation officielle? Ah, ça, madame, je serais bien embarrassé pour vous le dire. J'ai reçu une lettre de monsieur Maurice m'annonçant son arrivée et me priant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de convier ici toute sa famille. Je me suis conformé aux instructions. Mais pourquoi, mon Dieu? Ça ne vous inquiète pas, tout ça? Oh, quant à ça, il n'y a aucune inquiétude à avoir, le ton de la lettre est enjoué. Monsieur Maurice y parle d'un grand bonheur. Ah? Il a peut-être été nommé sergent. Ça m'étonnerait. Il est au régiment depuis 15 jours. À ce compte-là, il serait général à la fin de l'année. Non, ça ne va pas si vite. Mais alors quoi? Quoi? Non, écoute, tu ne vas pas t'inquiéter. Oh. Puisqu'il s'agit d'un bonheur, on peut attendre. C'est évident, oui. Oui. Mais oui. Et monsieur Heurteloup, madame? J'ai appris avec joie qu'il était entièrement remis. Est-il vrai qu'il fasse aujourd'hui sa première sortie? Mais c'est exact, monsieur le curé. Vous allez même le voir d'une minute à l'autre. Je l'ai laissé en train de s'habiller et de fort méchante humeur. Ah. Au point qu'il vient d'avoir une colère après moi. Ah, mais alors il est tout à fait bien. Oh, tout à fait. Mais c'est égal, nous avons eu une rude alerte. Ah oui, en effet. Et pendant plusieurs jours, on a redouté la fièvre muqueuse. Heureusement, ça n'a été qu'une forte jaunisse. Ah, tant mieux. Oui, une grosse émotion éprouvée à Paris qui lui a tourné la bile. Ce pauvre monsieur Heurteloup. Oui. Oh, ne le plaignez pas. C'est le ciel qui l'a puni. Aujourd'hui qu'il est sain et sauf, je déclare qu'il n'a eu que ce qu'il méritait. Un homme, monsieur le curé, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, et qui se débauchait avec des étahirs. Non, ce n'est pas possible. Oh. Êtes-vous bien sûr, Eugénie? Si, je suis sûre. Il a avoué. Un peu plus, il concubinait. Non. Oh. Mais heureusement que vous êtes arrivé à temps. Un jour de plus, mais il était trop tard. Oh, mais maintenant je l'ai à l'œil. D'ailleurs, je le défie bien d'aller courir la prétentaine avec la mesure que j'ai prise à son égard pendant sa maladie. Aussi bien que je dois le dire, pour son salut que pour sa pénitence. Oh mon Dieu, quoi donc? Moi? Je l'ai voué au bleu. Non! Heurteloup paraît se débattant contre une ribambelle de gamins qu'il a eu à qui mieux mieux. Il est en costume entièrement bleu ciel, chapeau et souliers bleus. Tranquille, voyons. Mais voulez-vous laisser tranquille? Voilà ce que tu poses. Vous avez l'air du prince Safi. Oui, eh bien, moi, je la trouve mauvaise. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Mes vêtements, qu'est-ce que tu as fait de tous mes vêtements? Je les ai distribués aux pauvres. Ça, c'est trop fort. Tu t'imagines que je vais continuer à me promener comme un chien libre? Eh bien, tu resteras chez toi. C'est autant de gagner. Ah, non, par exemple, non. Il n'y a pas à dire non. J'ai pris l'engagement, si tu revenais à la santé, de te vouer au bleu. Un engagement est un engagement. Oui, un engagement qu'on prend soi-même, soit, mais celui qu'on prend pour vous. Non, enfin, monsieur le curé, vous allez me relever de ce vœu sans tarder. Monsieur Heurteloup, je n'ai à vous relever de rien du tout, puisque ce n'est pas vous qui avez fait le vœu. Ah. Si madame Heurteloup le demande, elle... Du tout. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Lui qui, grâce à Dieu, a une réputation de piété, si on savait qu'après avoir dû son retour à la santé au vœu pris en son nom, monsieur s'en dégageait et en faisait litière. Oh oui, ce serait grave. Il est évident qu'un vœu... Oui, eh ben moi je m'en moque. Non. Il en est pour 5 ans. Oh. On verra après. Non. Eh bien non, entends-tu? J'en ai assez, moi, de plier devant toi, d'être sous le boisseau. Je secoue le joug, j'enlève la tête, je suis le maître à la fin. Qu'est-ce que c'est? Oui, je dis que... En voilà assez. Ma pauvre victime. Divorcée, la pincée avec un amant. Eugénie? Oh, elle ne voudrait jamais. Ah, eh bien, lui non plus. Si vous avez affaire avec ces dames, je pourrais bien aller jusqu'à la Marie-Jeanne, là, pour lui porter les bouteilles. Non, j'irai moi-même plus tard, merci. La Marie-Jeanne, qui? La petite vachère? De la ferme, oui, madame. Elle a mis au monde un jeune chrétien ce matin. Non! Oh, voyez-vous ça? Tiens, je ne savais pas qu'elle fut mariée. Quoi? La vachère? C'est-à-dire que... Oui, voilà. Ah, bon, je comprends. Quoi? Rien. Voilà ce que ça amène, ces choses-là. La pauvre petite est dans le dénuement complet, rien qu'un pauvre grabat et personne auprès d'elle. Alors j'allais lui porter... Non, mais que le disiez-vous, on ne peut pas la laisser ainsi. Je vais la faire transporter à notre asile de Kenogan où elle trouvera auprès des bonnes sœurs tous les soins désirables, comme aussi tous les bons conseils qu'il est regrettable qu'on ait pu lui donner plus tôt. Oui, on aurait une honnête fille de plus. Ben oui, mais un petit français de moins. Tout compte fait, je ne sais pas si ça ne vaut pas encore mieux comme ça. Si vous voulez ma tante, j'ai ma bicyclette, je puis pédaler jusqu'au château, c'est l'affaire de 10 minutes. C'est ça, tu diras à Luc de faire le nécessaire pour le transport de la mère et du bébé. J'y cours. Que vous êtes charitable. Oh, mais laissez donc. Ah, la pauvre fille, qu'est-ce qui lui a encore fait ça? Est-ce qu'on sait? Oh, un homme, évidemment. Oh, prenez garde, Eugénie, prenez garde, vous accusez à la légère. Oh. Je l'ai demandé à la petite, et c'est triste, elle ne le sait même pas elle-même. Elle m'a répondu, c'est un monsieur à bicyclette. À bicyclette? Eh ben quoi? À bicyclette. Quoi, tu veux pas encore me mettre ça sur le dos? Y a pas que moi en France qui ai une bicyclette. C'est possible, mais je constate que vous avez pour ce genre de sport un amour un peu trop marqué. Allons, bon. Écoutez, Eugénie, je vous jure que pour faire un enfant, la bicyclette... Je vous en prie, une fois. Dorénavant, vous me ferez le plaisir de restreindre un peu vos sorties à bicyclette. Oh. Allez, allez, au bleu aussi, la bécane. Oh, le célibat, le célibat. Monsieur le curé, monsieur le curé. Bonjour, ah, bonjour Jean-Luc. T'es voilà revenu, toi? C'est monsieur l'abbé de Plounidec qui m'envoie. Ah, bien justement, mesdames. Oh, monsieur l'abbé est là, en carriole. Il voudrait vous toucher deux mots en particulier avant de voir sa famille. Alors il vous fait prier, si elle est déjà arrivée, de l'éloigner. Bon, bon, bon. Habilement. Hein? Habilement? Oui, habilement. Bon, habilement. Mesdames, que penseriez-vous d'aller jusqu'au bout du jardin? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Tenez, j'ai un poirier qui est assez curieux. Ah oui? Oui, il ne produit pas de poire. Ah, qu'est-ce qu'il produit? Rien du tout. Et si ça vous intéressait... Vous avez quelqu'un à recevoir? À quoi avez-vous vu cela? C'est difficile à deviner. C'est Maurice, hein? Maurice, oui. Il voudrait vous parler en particulier? Comme vous êtes perspicace. Et il vous a fait prier de nous éloigner. Habilement, oui. Que de mystère, mon Dieu. Eh bien, plutôt que d'aller rendre visite à votre poirier qui ne donne pas de poire, je propose d'utiliser ces instants poussant jusque chez la Marie-Jeanne. On lui montrera qu'elle n'est pas tout à fait abandonnée. Ça va-t-il? C'est très bonne ça idée, va, ça, non. Madame, comme vous êtes plus habile que moi. Croyez-vous? Allons. Heurteloup accueillit machinalement une fleur rouge dont il a paré sa boutonnière. Mais tu as enlevé ça, toi? Quoi? Ça? C'est rouge? Vous n'avez plus droit qu'au bleu. Oh, et puis toi, je t'en prie, pas de tête, hein? Là, alors si tu veux prévenir monsieur l'abbé que je suis à sa disposition... Ça ne sera pas long, il attend dans la ruelle. Bon, ben, va. Hé, monsieur l'abbé! Voilà! Le v'là! Maurice est en civil, blouse de chasse, knickerbockers, leggings et feutre mou. Merci, Jean-Loup. Bonjour, monsieur le curé. Mon cher enfant, ça me fait plaisir de vous voir. Et à moi, donc. Oh, monsieur le curé, les joies que je viens d'éprouver en me retrouvant ici, tous ces lieux que je connais depuis mon enfance, il me semble que je les vois avec d'autres yeux. Comme c'est beau, notre cher patelin. C'est aujourd'hui que vous vous en apercevez? Ah oui, c'est à croire que je n'ai jamais regardé avant. J'ai toujours eu les yeux trop tournés à l'intérieur. Alors je ne voyais pas au dehors. Oh, c'est bien la nature, vous savez. Si, c'est bien. C'est ça qui prouve l'existence de Dieu. Tiens! Et là, à part ça, ça va bien? La santé, oui? Ma parole, je ne vous reconnais pas. Cette exubérance, cette gaieté, c'est le service militaire qui vous a transformé ainsi? Ah, mais oui, le service militaire et aussi... Quoi? Ah, ça, je ne sais pas, un tas de choses. Et où est ma famille? Vous aviez à me parler, je l'ai éloigné. Ah, habilement. Ah bon. Qu'avez-vous à me dire? Votre sentiment à vous demander sur un cas de conscience. Et quoi donc? Un homme a aimé une femme. Ils sont tombés dans le péché. Cet homme estime cette femme. Quel est son devoir? Mais ça ne souffre aucun doute. Il doit réparer la faute par le mariage. Merci, c'est la réponse que j'attendais. Mais pour qui me demandez-vous? Chut, je vous dirai ça plus tard. Et maintenant, monsieur le curé, introduisez la famille. L'introduire? Mais elle n'est pas là. Il faut que j'aille la chercher. Elle n'est pas là. Hein? C'est l'affaire de 10 minutes. Attendez-moi, je vous la ramène. Oh, non, monsieur le curé. Non, s'il en est ainsi. Non, laissez donc. Là où sont les vôtres, j'avais justement à aller. Ah, vraiment? Parce que je suis confus. 10 minutes. Maurice regarde partir le curé, puis gagne rapidement la porte donnant sur la ruelle. Entre. Ah, ça. M'expliqueras-tu tout ce que ça signifie? Est-ce que tu m'indiques? Taratata, inutile, madame. Je ne vous dirai rien tant que je ne jugerai pas le moment venu. Ah. Vous m'avez promis de ne pas m'interroger, de vous en rapporter à moi. Vous êtes à ma discrétion. Quel enfant tu fais. Je ne te reconnais pas. Mais je ne me reconnais pas moi-même. Il me semble que j'ai des années de jeunesse en retard. Que j'existe pour la première fois. Assez longtemps, j'ai vécu comprimé dans ma chrysalide. Ah, j'ai besoin d'étendre mes ailes, de voler éperdument. J'ai besoin de mon âge, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'aimer. Ah, qu'il est loin, le petit séminariste à la soutane noire, dont le rigorisme m'imposait et dont la pureté me troublait. Ah, qu'il est loin, l'être de vanité, qui s'imaginait avoir en lui toutes les vertus du sacrifice. Il a suffi d'un sourire de femme pour le ramener à la réalité et lui montrer qu'il n'était qu'un homme. Regretterais-tu quelque chose? Mais je l'air de quelqu'un qui éprouve des regrets. Vous? Bonjour, la Mariotte. Je vous présente ma bonne amie. Quoi? Monsieur Maria, est-ce vous, monsieur l'abbé, qui parlez ainsi? Oh, mais c'est qu'il y a du nouveau, la Mariotte. Beaucoup de nouveau. Et je suis un vil pécheur, comme tous les autres. Oh, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Monsieur l'abbé, est-ce que c'était du démon? Et voilà, voilà. J'ai scandalisé la Mariotte. Oh, tu te fais un jeu de ces choses aujourd'hui. Tiens, tu es bien comme ces petits collégiens tout fiers des premières grivoiseries qu'ils apprennent et qu'ils répètent à tout le monde pour bien montrer qu'ils ne sont plus innocents. Tu crois? Mais c'est qu'en effet, je suis le collégien en vacances. Ou plutôt le petit soldat qui s'émancipe. Alors, si tu voyais au régiment les progrès que je fais, mais je commence à jurer, ma chère amie. Mais oui, je dis nom d'une pipe, ventre de biche, mille tonnerres. Ah non, et puis quoi? Ah non, c'est tout, merci. Plus, ça offenserait le bon Dieu. La bonne heure. Alors, dis que tu n'es pas content de nous sentir tous les deux ici. Chez le curé? Ah non, ici, à Plounidec, où nous nous sommes vus pour la première fois. C'est vrai, pourtant. Regarde-là, la grande verte, la vilaine qui a failli t'enlever à moi. Regarde-là, la grande verte, l'exquise, qui nous a donné l'un à l'autre. Oh, c'est vrai, pourtant. Je suis un ingrat. Ah, qu'il serait doux de vivre ici, tous les deux, toujours. Oui. C'est ta pensée que tu dis là? Ah oui. Et tu ne regretterais rien de ta vie de Paris, de ton passé? Tu ne regarderais jamais en arrière? Tu sais bien qu'aujourd'hui, mon horizon, c'est toi. Et alors, si par hasard ce vœu se réalisait? Quoi? Vivre ici près de toi, toujours? Oui, et régulièrement, légitimement. Ah, malheureux, non, mais quel mot prononces-tu? Ne joue pas avec ces choses-là, c'est mal. Mais pourquoi pas? Parce que tu ne m'aimes pas? Est-ce que je ne t'aime pas? Moi, après ce que j'ai été, après ce que tu m'as connu, voyons. Ah, tais-toi, tout ça est racheté, tout ça est oublié. Tu ferais ça, toi? Ah non, je rêve, je suis folle. Mais non, tu ne rêves pas, c'est la réalité. Et c'est pour ça que nous sommes ici. C'est là le secret que je te cachais. Oh, Maurice. Oh, mais non, ce n'est pas possible. Mais oui, tu es sincère. Tu le ferais comme tu le dis. Mais tu ne songes pas au tien, à ta mère qui jamais ne consentira. Ma mère, mais tu ne la connais pas, mais elle sera la première à t'accueillir quand elle sera, quand toi et mon bonheur. Oh. Enfin, crois-tu donc qu'elle n'a pas l'âme assez haute pour s'élever au-dessus des préjugés sociaux? Mais son cœur est tout de charité chrétienne. Toujours, elle m'a prêché de la miséricorde et le pardon. Et elle te repousserait, toi, quand je lui dirais « Maman, voici celle que j'ai choisie et que je veux épouser. » Mais allons donc. Mais tu vas voir comme elle va être contente. Ah, Maurice, si je rêve, ne me réveille pas. Ah, je t'aime. Huguette, à bicyclette, saute de sa machine, s'apprête à entrer et soudain aperçoit le couple enlacé. Oh, qu'est-ce que c'est? Huguette! Tout de suite, je reviens. Mais qu'est-ce qu'elle a? Huguette! Oui! Mais pourquoi se sauve-t-elle? Bien sûr, elle nous a vus et sa pudeur de jeune fille s'est effarouchée. Oh, c'est donc un spectacle si effrayant que celui de deux êtres qui s'aiment? Non devant la nature, mais oui de par le monde. Oh, eh bien, vive la nature! Je vous aime, et madame. Et moi aussi, monsieur. Maurice lui a pris la tête entre les deux mains et lui applique un long baiser sur les yeux. La tête d'Huguette surgit au-dessus du mur. Et maintenant, madame, vous allez me faire le plaisir d'aller un petit peu vous coiffer. Vous êtes tout ébouriffé. Oh, qu'est-ce que ça fait? Si, non, je veux. J'ai mes raisons. Dites que c'est de la vanité, si vous voulez. Je tiens ce qu'on vous voit avec tous vos avantages. Enfant, va. L'un tenant la taille de l'autre, ils sont entrés dans le presbytère. Huguette, qui ne les a pas perdu de l'œil, enjambe le mur, descend le long de l'échelle de fer de la serre et gagne jusqu'à la fenêtre du presbytère pour épier le couple. Sa figure est mauvaise. Ses traits sont contractés. Elle fait un geste de rage. Passez, mesdames, passez, messieurs. Pardon, monsieur le curé. Ah, te voilà, toi. C'est toi qui laisses ta bicyclette contre le mur. Tu veux donc qu'on te la vole? Oh, il n'y a pas de danger, je vais aller la reprendre. Tu as été au château? Oui, ma tante, on va faire le nécessaire. Eh bien, Maurice, qu'est-ce que tu en as fait? Je sais pas, ma tante. Il m'a semblé le voir entrer au presbytère. Oui? Maurice! Maurice! Je vais chercher ma bicyclette! Maman! Oh, mon fils! Mon chéri, comme ça me fait plaisir. Ma chère maman. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mon grand. Bonjour, Eugénie. Bonjour, Bonjour, Hector. Oh, le drôle de costume. Mais pourquoi êtes-vous si céleste? Ne m'en parle pas. On m'a voué à la Vierge. Non. Oui, ça le change. Ah, mes compliments. Ma chère maman, j'ai prié monsieur le curé de vous réunir tous pour vous entretenir d'une décision grave que j'avais l'intention de prendre et pour laquelle j'avais besoin de votre avis. Et ainsi que celui de monsieur le curé. Oh mon Dieu! Mais quoi donc? Maman, je vais sans doute vous causer une grande déception. Je renonce à ma carrière sacerdotale. Oh. Toi? Est-il possible? Oui. Eh bien, la voilà, l'influence néfaste de la caserne. Mais non, non, oh. Eugénie, non, non, la caserne n'a rien à voir dans ma décision, croyez-le bien. Seulement, il m'a été donné de constater que je n'avais pas en moi les vertus suffisantes. Oh, comment? La force de caractère nécessaire pour remplir dignement ma mission et rester à la hauteur du vœu que j'aurais prononcé. Non, faut pas. Et puis... Puis enfin, ma mère, je ne suis plus chaste. Toi? Oh! Patatras! Seigneur Dieu! Oh, toi, mon enfant, mon ange de pureté et d'innocence! Oh, il est loin, ma pauvre maman, votre ange de pureté et d'innocence. Aujourd'hui, je ne suis qu'un homme. Oh. Et un homme aussi faible que tous les autres. Voilà! Voilà! C'est ça! Ça va encore être de ma faute! Vous me pardonnerez, mes chers parents, et vous, monsieur le curé, cette défection qui anéantit les espérances que vous aviez fondées en moi. Oh, moi, mon petit... Mon pauvre cher enfant, je ne saurais trouver en mon cœur le courage de vous blâmer. Tout le monde n'a pas été créé pour être prêtre. Je l'ai déjà dit à madame votre mère, si vous n'avez pas en vous la force de résignation, d'abnégation qu'exige la carrière sacerdotale, il vaut mieux que les choses en soient ainsi. Oh, Dieu sait pourtant que sincèrement, j'avais cru à ma vocation. Parce que dès le plus jeune âge, j'avais été nourri dans les idées de religion... avec l'horreur qu'on m'avait enseignée du péché de la chair. Aussi, quand je sentais mon cœur battre à tout rompre sur ma poitrine, mon sang bouillonnait dans mes veines, affluait à mes joues, je croyais bonnement que c'était là une manifestation de l'exaltation religieuse. Et tous ces ferments d'amour que j'avais en moi, je les épanchais en Dieu, les prenant pour l'ardeur de ma foi. Aveugle, j'étais ignorant et aveugle. Mais aujourd'hui, aujourd'hui j'ai compris. Aujourd'hui, je sais. Oui. C'est encore une grâce du ciel que vous ayez été éclairée à temps. Huguette, traînant sa bicyclette, entre doucement sans qu'on la remarque. Et ceci m'amène, maman, au grand point pour lequel je voulais vous parler. Maman, j'ai l'intention de me marier. Ce mot produit un choc chez Huguette qui s'accule pour ne pas tomber contre le pilastre de la grille. Te marier, toi? Mais avec qui? Avec qui? Avec celle que j'ai jugée digne d'être ma femme. Avec celle à qui vous avez vous-même témoigné votre sympathie. Avec celle que j'aime, enfin. Il va chercher Étiennette sur le perron. Achève, mon enfant! Avec... Avec Madame de Marigny. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Avec Madame... Oh, il va un peu loin, alors ça, il va un peu loin. Venez, Étiennette, venez. Ma mère, embrassez votre fille. Mais ça, tu es fou! Tu perds la tête! Toi, épouser Madame? Mais oui. Ah, non, par exemple! Moi vivante, jamais je ne consentirai. Oh, madame, c'est inconcevable. Mais quoi, ma mère, voilà comment vous accueillez celle que je vous dis aimer, celle qui, comme je le désire, deviendra bientôt ma femme. Ta femme? Et tu crois que je donnerai mon autorisation à un mariage pareil? Ah, ça oublie tout ce que tu dois au nom que tu portes? Ce que tu nous dois à nous? Ce que tu te dois à toi-même? Mais ma mère, j'aime et j'estime Madame de Marigny. Madame de Marigny. Il suffit, madame. Épargnez-moi de grâce plus amples outrages. Vraiment? Vous pouvez bannir toute crainte, j'ai compris. Ce mariage ne sera pas. Oh, certes, il ne sera pas. Ah, mes compliments, madame. Voilà donc comment vous avez reconnu la confiance que je vous ai un moment témoignée, en abusant de la candeur de cet enfant pour en faire la proie de votre misérable ambition. Ma mère. Oh, madame, combien vous pouvez être injuste. Si vous connaissiez ma conduite, vous verriez que rien ne vous autorise à porter contre moi une telle accusation. Comment donc? Tout ça, n'est-ce pas, s'est fait malgré vous, en dehors de vous. Certes. Vous me croyez donc bien sotte. Vous vous trompez, madame. Les femmes comme vous sont décidément très habiles. Madame! Mais ne discute donc pas, viens, notre place n'est pas ici. Du tout, madame. Si quelqu'un doit se retirer, c'est moi. Je repartirai par le prochain train et je vous promets que je ne vous importunerai pas davantage. Étiennette. Inutile, Maurice. Mais avant de vous quitter, madame, je tiens à vous déclarer que non seulement je n'ai rien fait pour pousser votre fils à sa détermination, je vous le jure, mais encore en venant ici, j'ignorais le but de notre voyage. C'est tout à l'heure seulement que votre fils s'est ouvert à moi de ses intentions. J'avoue que sur le moment, j'ai été grisée. Quelle femme ne le serait pas? Mais vous vous êtes chargée de me rappeler à la réalité, un peu cruellement, je dois dire. Je vous en remercie et profiterai de la leçon, soyez-en certaine. Adieu, madame. Elle rentre dans le presbytère. Ma mère, comme vous avez été dur et cruel. Je n'attendais pas semblable attitude de votre part. Mais mon pauvre enfant, tu ne sais pas à quelle femme tu as affaire. Tu ne sais donc pas ce qu'elle a été. Mais je sais tout, maman. Mais je sais aussi ce qu'elle est aujourd'hui. Et cela me suffit. Tu veux épouser une cocotte? Oh, Eugénie! Je vous en prie. Mais bon, mon enfant, songe au scandale, toi, le comte de Plounité. Mais songe à ce qu'on dira. Mais que m'importe l'opinion du monde, j'ai ma conscience avec moi. Oh, voyons, Maurice, je ne suis pas un sujet à caution, moi, tu sais. Je suis un vieux libéral, bien... Mais justement, mon oncle, vous êtes un vieux libéral. Et pour me comprendre, il faut être un religieux. Mais je suis sûr que monsieur le curé me comprend, lui. Hein? Ah oui, certainement. Je vous comprends, moi, mais... Oui, mais je comprends aussi madame la comtesse et monsieur le marquis. Que vous me blâmiez, vous, mon oncle, je l'admets. Mais toi, ma mère, toi qui pratiques la doctrine chrétienne, toi qui m'as toujours prêché la pitié et le pardon, alors tout cela n'était donc des mots? Entre le pardon et le mariage, il y a une marge. Pourquoi? Parce que ça a été une pécheresse. Mais n'en est-elle pas plus digne d'intérêt? Et la morale du Christ? Il lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé. Trop, elle a trop aimé. Le Christ a pardonné à la Madeleine repentante, mais il ne l'a pas épousée. Oh, et puis, enfin, il y a une chose qui est au-dessus de tout ça. Entre Tiennette et moi, il y a eu le péché. Et dans un cas pareil, c'est le devoir de l'homme de réparer par le mariage. Mais où as-tu pris ça? Mais monsieur le curé me le confirmait encore tout à l'heure. Alors, permettez, je ne savais pas que dans l'espèce, il s'agissait d'une personne. Bon, si c'était une jeune fille que tu eusses détournée, voilà. Mais madame de Marigny. Madame de Marigny. Mon pauvre petit, si chaque fois que l'on a commis le péché, il fallait réparer par le mariage, mais tous les hommes seraient polygames. Mais que voulez-vous, mon oncle? Chacun sa morale. Non, c'est de la folie. Mais dis-lui donc, toi, au lieu de rester muet comme une carpe. Je ne me mêle pas des choses qui ne me regardent pas. Alors tu approuves ce mariage? Je n'approuve jamais le mariage. Hein? Je suis pour le célibat. Vive le célibat! Insolent! Et aille donc. Et puis en fait, toute cette discussion est inutile. Si tu ne comprends pas certaines choses, c'est à moi d'avoir de la raison pour toi. Ce mariage ne se fera pas parce que je ne le veux pas. C'est bien, ma mère. Je sais trop le respect que je vous dois pour aller à l'encontre de votre volonté. Mais je n'imaginais pas que par vous, j'aurais à choisir entre mes devoirs filiaux et ceux que me dicte ma conscience. C'est dur. Non, mon pauvre petit. Tu m'en veux. Non. Mais j'en souffre. Adieu, maman. Tu pars? Oui, la carriole qui nous a amenés n'est peut-être pas encore dételée. Je dois rentrer au corps demain matin. À tout à l'heure, maman. Oh, pauvre petit. Il s'en va le cœur brisé. Que veux-tu? Il y a des opérations nécessaires. Il faut savoir s'y résigner pour le bonheur de ceux qu'on aime. C'est que c'est une opération au cœur, monsieur le marquis, et le cœur ne s'opère pas comme on veut. Oui, je sais bien. Hélas! Mais qu'est-ce qui se dégage donc de nous, mon Dieu, que les hommes subissent ainsi notre empire? Oh non, écoutez-la. Étiennette paraît sur le perron du presbytère. Ne vous en allez pas, madame. Madame? Non, ne dites rien. Mais Non, tout à l'heure, madame, je n'ai pu réprimer un mouvement d'humeur et je ne vous ai pas parlé avec tout le respect que je dois à la mère de Maurice. Oh, madame, croyez bien que les questions de susceptibilité n'ont rien à faire en l'occurrence. Il s'agit de questions autrement importantes. Oui, je sais. Vous craignez que l'influence que j'ai pu prendre sur votre fils ait raison de votre volonté et ne l'amène à un mariage que vous réprouvez. Je vous le répète, tranquillisez-vous, madame. Monsieur, votre fils le voudrait encore, que c'est moi qui m'y opposerais. Comment ça? Si je pouvais vous croire... Il ne se fera pas. Mais pourtant... Non, ne dites rien, madame. Laissez-moi seulement avoir un entretien avec votre fils, et je crois que vous serez contente de moi. Soit. Pardonnez-moi d'être obligée de vous faire du mal. Vous défendez votre fils, madame. Il n'y a rien de plus respectable. Merci. Ils entrent tous dans le presbytère. Étiennette, qui les suit du regard, n'a pas aperçu Huguette, qui a déposé sa bicyclette contre la haie. En se retournant, elle se trouve nez à nez avec elle. Oh, pardon, mademoiselle. Oh, vous, je vous déteste. Hein? Ah oui, je comprends. Ma pauvre Étiennette. Mon enfant chéri. Tu sais. Moi qui me promettais tant de joie de ce voyage. Si j'avais pu me douter. C'était à moi de prévoir tout ce qui est arrivé, au lieu de me laisser bercer par une chimère. Oh, maman était vraiment cruelle. Ne l'accuse pas, Maurice. À sa place, ayant un fils, j'aurais agi comme elle. Oh. Si, Vois-tu, c'est un aveu qu'il faut avoir le courage de se faire à soi-même. Nous ne sommes pas des femmes que l'on épouse. Non, nous sommes ici-bas pour donner du plaisir, pour donner de l'amour. Il ne nous appartient pas de donner un foyer. Contentons-nous de notre rôle. De toi, j'aurais eu le meilleur de toi-même, la fleur de ta jeunesse, tes premiers baisers, tes premières étreintes. Tu aurais été le printemps, le sourire de ma vie, et toujours de ton souvenir se dégagera pour moi comme un parfum d'amour qui embaumera jusqu'à mes vieux jours. Qu'ai-je le droit de demander de plus? Suis-je pas parmi les heureuses? Janet, tes paroles me brisent le cœur. Crois-tu qu'elles ne déchirent pas le mien, mon aimé? Mais quand nous fermerons les yeux à la réalité, empêcherons-nous qu'elle soit. Renonce à ce mariage, Maurice. Nous ne sommes pas des femmes qu'on épouse. Oh, mais tout ça, ce sont des conventions du monde. Est-ce qu'il peut m'empêcher de t'aimer, le monde? Est-ce qu'il pourra faire que je puisse aimer jamais une autre femme que toi? Enfin. Oh, tu parles bien comme un être qui aime pour la première fois et qui croit encore à l'éternité de l'amour. Mais si j'étais assez démente pour accepter le bonheur que tu m'offres avec tout ton cœur aujourd'hui, mais c'est toi demain qui ne me pardonnerais pas de n'avoir pas eu de la raison pour toi. Étienne, comme tu me juges mal. Je ne te juge pas mal, je te juge selon la nature des hommes. Crois-moi, mon cher aimé. Il faut nous prendre pour ce que nous sommes, quelque chose comme ces fleurs de luxe voyantes et capiteuses, arrangées pour paraître, que l'on achète pour orner sa boutonnière, plus encore pour les autres que pour soi-même. Et que le soir venu, alors que déjà elle se flétrisse, on jette dans un coin comme une chose dont on a pris tout ce qu'elle pouvait donner. La vérité, vois-tu, c'est la petite fleur bien plus modeste, quelquefois sauvage, au parfum plus discret, mais si jolie, si pure, si délicate, que votre œil découvre, que votre regard choisit et que votre main cueille sur la branche même qui l'a fait naître. Celle-là, vous l'aimez parce que vous sentez que le premier, vous l'avez vu, et qu'elle n'est que pour vous. C'est cette petite fleur-là qu'il te faut, Maurice, cette petite fleur un peu sauvage que ton œil n'a pas découverte et qui pourtant existe ici, pas loin, à portée de ta main. Quoi? Qui ça? Ta cousine. Huguette? Oui. Hein? La bonne histoire, elle ne peut pas me sentir. Crois-tu? Enfin, j'en suis sûr. Elle t'aime. Elle te l'a dit? Oh, peut-être pas précisément dans ces termes, mais enfin quelque chose d'approchant. Elle m'a dit, oh, vous, je vous déteste. Eh bien, pourquoi me déteste-t-elle, si ce n'est parce qu'elle sent que je possède le cœur de son Maurice, qu'elle aime et qu'elle ne me pardonne pas de lui ravir? Épouse-la, mon aimé, c'est la femme qu'il te faut. Mais quoi, tu veux me quitter? Oh, moi, te quitter? Oh non, non, oh non, pas encore. Faut l'épouser, moi... Mais Janet, mais c'est fou! Mais non, comprends-moi, je ne te demande pas de l'épouser tout de suite. Oh non, non. Non, je te demande simplement de te faire à cette idée, d'envisager cette perspective pour plus tard. Beaucoup plus tard. Dans un an et demi. Mais dans un an et demi, alors, nous avons le temps d'y penser. Dis, promets-moi alors que tu l'épouseras. Bon, soit. Puisque ça te fait plaisir. Oh, plaisir. Mais c'est entendu. Dans un an. Oh non! Oh. Un an et demi. Ah, tu vois, tu marchandes déjà. Oh, tiens, regarde un peu qui vient là. Kate, mais qu'est-ce qu'elle a? Pour observer en se dissimulant, ils vont se réfugier derrière l'arbre. Mademoiselle, voyons, laissez-moi. Mais qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? Rien, quoi, je n'ai rien. Mais comment rien? Je vous trouve là, tout au fond du jardin, pleurant à chaudes larmes. Oh, mais attendez, moi, je vais aller un peu trouver votre papa, moi, pour qu'il voit clair dans tout ça. Oh, non, je vous le défends. Si, je veux pas que vous ayez du chagrin, moi. On n'avoir même pas la liberté de pleurer en paix. Dis-lui un mot, voyons, console-la. Tu pleures, Huguette? Ah, toi? Mais si, je le vois bien. Qu'est-ce que tu as? Rien, c'est nerveux. Mais non, ça n'est pas nerveux, en fait, tu as du chagrin. Est-ce vrai ce qu'on m'a dit, que c'est à cause de moi? De toi? Non. Ah, n'est-ce pas que ce n'est pas exact? Est-ce qu'on voudrait me persuader que, soi-disant, tu m'aimerais? Non! Ah, et qu'au contraire, la vérité, c'est que plutôt un peu d'antipathie... D'antipathie? Oh non! Non. Non? Oh, Maurice, laisse-moi. Comment tu me repousses? Oh, je suis malheureuse. Okay. Pourquoi avoir ainsi la pudeur de ses sentiments? Oh, vous! Je dis, moi, qu'il y a une petite cousine qui adore son petit cousin, mais qui aimerait mieux mourir plutôt que de le lui dire, et qui pourtant ne serait pas fâchée qu'il le sache. Eh bien, il le sait, le petit cousin. Oh, madame, c'est mal de... Mais non. Et l'on s'est dit que si un jour le petit cousin épousait la petite cousine... Oh, taisez-vous. Cela ferait un petit ménage très assorti. Madame, je vous en conjure. Et où chacun pourrait faire le bonheur de l'autre. Oh, madame. Et maintenant, la petite cousine se décidera-t-elle à avouer qu'elle aime bien son petit cousin? Oh, madame. Et moi qui vous ai parlé si durement tout à l'heure. À moi? Mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Bon, vous avez bien entendu. J'ai osé vous dire... Vous, je vous déteste. Allons donc, comme c'est curieux. J'avais entendu tout autre chose. Et quoi donc? J'avais entendu... Oh, madame, comme j'aime mon cousin Maurice. Vous vous articulez bien mal, mademoiselle. Oh, comme vous vous vengez. Avouez que la vengeance est douce. Je ne sais que répondre. Oh, j'ai trop honte. Allons, jeune fiancée, appuyez là votre tête. Vous y cacherez mieux votre honte. Oh, madame. Ma petite Huguette. Il l'embrasse dans les cheveux, tandis qu'Étienne est un genou sur le banc, les rapproche et les regarde avec une douloureuse émotion. À la bonne heure. Qu'est-ce qu'on me dit, ma fille? Oh! Papa! Oh, mon oncle! Monsieur le marquis, pardonnez-moi de m'être mêlée de ce qui ne me regarde pas. Comment? Je viens de fiancer deux êtres faits l'un pour l'autre. Hein? Vous? J'ai donc l'honneur de vous demander, oh, pour dans un an et demi, la main de mademoiselle votre fille pour son cousin Maurice. Comment? C'est vrai? Puisque madame le dit. Mais c'est pas possible, j'en tombe des nues. Alors, c'était notre beau projet d'autrefois, mais je le croyais bien en l'eau. Eh ben quoi donc, Huguette, où vas-tu? Je reviens. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et maintenant, mon petit Maurice, il faut être bien raisonnable et me laisser m'en aller. Hein? Tu pars? Je ne saurais rester davantage, ma place n'est plus ici. Mais alors, attends, moi, je rentre avec toi. Non. Toi, tu partiras ce soir. Étienne. Si, tu vas être bien mignon et faire ce que je te dis. Étienne, tu ne penses pas me quitter? Tu rentres à Paris, mais une fois là-bas, je... Mais oui. Tu sais bien que je t'aime. À demain, alors? À demain. Allons. Sage. Mais tiens. Chut, à demain. Elle a gagné la porte. Au moment de la franchir, elle envoie un baiser à Maurice et s'en va. Venez, ma tante. Vous ne savez pas la nouvelle? Maurice m'a demandé ma main. Moi? Mais est-il possible? Comment? Toi, mon enfant? Mais non, maman, c'est-à-dire que... Oh, mon enfant, mon chéri, mais ce mariage-là, à la bonne heure! Mais maman, je vais vous dire... Oh, Maurice, ça, oui, voilà qui est bien. Mais comment? Mes compliments, une union comme celle-là... Mais écoutez, monsieur le curé, je... Écoutez, moi, je ne suis pas pour le mariage, mais celui-là... Mais tu vois, comme tout le monde est content! Allons, mon fils, dans mes bras! Je voudrais pourtant... Là, dans les bras de papa! Mon enfant, mon genre! Bravo! Ah, mais ça y est, on me marie! Alors, on marie. Alors, tu consens? Oh, si je consens, eh ben je crois bien. Étiennette. Ah, oui, je consens, mais pas tout de suite. Non. Ce sont encore deux enfants. Maurice finira son service militaire. Pendant ce temps, Huguette se fera plus femme. Oui, dans un an et demi. Je suis persuadé que Maurice... se rangera à mon désir. Mais mon oncle dit, maman, que c'est votre volonté. C'est ma volonté. Oui. Mais l'important, c'est de savoir qu'on s'épousera, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Pourquoi? Pourquoi tant de temps? Parce que, ma chère Solange, ces enfants ne sont mûrs ni l'un ni l'autre pour le mariage. Et puis, enfin, j'estime que, en matière de fièvre, il ne faut jamais essayer de la faire rentrer. Il faut que ça sorte. Et puis que ça passe. Je ne comprends pas. Oui, mais moi, je me comprends. Alors, voilà un mariage que je bénirai, car j'espère bien qu'il se fera à Poulinet. Oh, certes! Eugénie, est-ce qu'il faudra que j'y assiste en bleu? Naturellement. Eh ben, elle est verte, celle-là. Qu'est-ce que vous voulez, Hurtelou? C'est pas rose tous les jours. Dans le cycle consacré à Georges Feydeau, vous venez d'entendre Le Bourgeon, comédie en trois actes. Voici quelle en était la distribution. Maurice de Plounidec, Jacques Toja. Heurteloup, Robert Vattier. Le marquis de La Roche-Tourmel, Maurice Escande. Guérassin, Jean Val. L'abbé Bourset, Henri Crémieux. Musignol, Daniel Lecourtois. Jean-Loup, Pierre-Michel Beck. Le docteur Vétillier, Edmond Beauchamp. Luc, Jean-Favre Bertin. La comtesse de Plounidec, Béatrice Bretti. Étiennette, Sophie Desmarais. Eugénie Horteloup, Marguerite Pierry. Huguette, Evelyne Gabrielli. La Choute, Rosy Varte. La Claudie, Denise Benoît. Cléo, Eliane Charles. La Mariotte, Madeleine Geoffroy. Celle qui voit, Jacqueline Cantrelle. La musique était empruntée à Charles Lecoq. L'émission était réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.